nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les premières lignes de son introduction à son ouvrage « La Commune 1871 », paru au PUF en 1988, l'historien Jacques Rougerie les a rédigées ainsi. « La Commune, objet chaud, a longtemps divisé les historiens. Elle a eu sa légende noire, sitôt après l'événement, celle de la révolte sauvage, des barbares et bandits. Elle a eu sa légende rouge, toutes les révolutions, les insurrections socialistes du XXe siècle se sont voulues, de quelque manière, filles de l'insurrection parisienne de 1871 et c'était à tout prendre politiquement leur droit. Historiquement, cette légende a pu se révéler redoutablement déformante. L'historiographie socialiste s'assignait pour tâche de démontrer scientifiquement que l'onde révolutionnaire qui parcourt le premier XXe siècle trouvait sa source vive dans une commune dont elle se déclarait légitime héritière. On quêtait, par une analyse anachroniquement rétrospective, les preuves de cette filiation, oubliant le beau précepte que Lissaraguet, communard, historien immédiat de l'événement, avait placé en 1876 en exergue à son histoire de la commune. Celui qui fait au peuple de fausses légendes révolutionnaires, celui qui l'amuse d'histoires chantantes, est aussi criminel que le géographe qui dresserait des cartes menteuses pour les navigateurs. Jacques Rougerie, géographe hors pair de l'histoire de la commune, on l'entendait sur France Culture en 1965, en compagnie d'autres spécialistes de la question, dans un numéro d'analyse spectrale de l'Occident que Pierre Cipriot consacrait à la commune de Paris. C'était dans des années où la commune de Paris était encore un objet chaud. Mais a-t-il d'ailleurs depuis totalement refroidi? Analyse spectrale de l'Occident, La Commune de Paris, une émission diffusée la première fois le 12 juin 1965 sur France Culture. Vous êtes à l'écoute de France Culture. Analyse spectrale de l'Occident. La Commune, par Pierre Cipriot, assisté pour la réalisation de Hélène Delabrusse. Avec la collaboration d'Emmanuel Berne, Adrien Dansette de l'Institut, Pierre Descaves, président du comité des programmes de radiodiffusion, Henri Guillemin, Georges Lefranc, Henri Lefebvre, Jacques Rougerie, Philippe Vigier. Texte d'Élimir Bourges, Jules Clarcy, Lucien Descaves, Paul et Victor Marguerite, Jules Vallès et Zola, lu par Jean-Paul Moulineau, Robert Parti et François Perrier. Tout d'abord, une brève chronologie des premiers événements, en utilisant des documents, des récits, qui donneront la parole aux acteurs ou aux témoins de ce Paris de la Commune. Ces textes seront lus par Jean-Paul Moulineau, Robert Parti et François Perrier. On sait que la Commune a été proclamée le 26 mars 1871. Mais le début de l'insurrection parisienne, le 14 juillet de la Commune, c'est le 18 mars. Et 10 semaines après, le 21 mai 1871, les Versaillais entreront dans Paris. Ils entreront par le point du jour, ils occuperont le 16e, puis le 15e arrondissement, puis c'est la résistance, Paris brûle. À mesure que l'armée progresse, on fusille des fédérés. Les combats et la répression font 20 000 victimes dans les rangs parisiens. La semaine sanglante s'achève le 28 mai. Les derniers points de résistance sont alors enlevés, rue Axot à Belleville, où s'étaient réunis les derniers survivants du Conseil de la Commune, et à Ménilmontant. Vers midi, c'est la fin. Le maréchal duc de MacMahon fait afficher une proclamation. République française, habitants de Paris, l'armée de la France est venue vous sauver. Paris est délivré. Nos soldats ont enlevé en 4 heures les dernières positions occupées par les insurgés. Aujourd'hui, la lutte est terminée. L'ordre, le travail, la sécurité vont renaître. Au quartier général, le 28 mai 1871, le maréchal de France de MacMahon, duc de Magenta, commandant en chef. 18 mars, 28 mai, la commune a donc duré 10 semaines. Que s'est-il passé pendant ces 10 semaines? À la fin du mois de février, on a annoncé dans Paris que les Prussiens vont faire leur entrée le 1er mars. Le Paris du siège, le Paris en armes, doit être désarmé. Thiers, depuis le 17 février, chef du pouvoir exécutif de l'Assemblée qui siège encore à Bordeaux, Thiers a fait coller des affiches dans les rues. Les canons dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux. Et pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison, le gouvernement compte sur votre concours. Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister. 1er mars, les Prussiens entrent dans Paris. Le Paris furieux, le Paris du défi, d'après Jules Clarty, Histoire de la Révolution de 1870-1871. Le temps était froid et sec. Les édifices publics, la bourse même, étaient fermés. Toutes les boutiques, excepté celles de provisions de bouche ouvertes le matin, tous les cafés et restaurants avaient clos leurs portes. Tous les bataillons de la garde nationale se tenaient sur leurs armes dans leurs quartiers respectifs, leurs guidons portant un nœud de crêpe à la hampe. Les drapeaux noirs flottaient aux mairies et à beaucoup de fenêtres. Les drapeaux tricolores étaient voilés de crêpe. Ça et là des inscriptions. Fermé pour cause de deuil national ou fermé pour cause de deuil public. La rue Royale était barrée au milieu par des caissons d'artillerie et la plupart des curieux s'arrêtaient là. Quelques-uns, en très petit nombre, traversaient nos lignes et s'aventuraient sur la place de la Concorde et l'avenue des Champs-Élysées. Les vainqueurs, parqués dans leur zone, regardaient étonnés la grande ville indomptable dont les monuments superbes se profilaient à l'horizon. Ceux qui se montraient aux fenêtres étaient hués. Tous les gamins de Paris étaient accourus aux Champs-Élysées et poursuivaient de leur lazzi les lourds soldats prussiens. On fouetta des femmes accusées d'avoir souri à l'ennemi. On remarqua beaucoup que les officiers allemands avaient tous des uniformes neufs et que tous tenaient à la main un plan de Paris. Leurs soldats affreusement sales faisaient la cuisine en plein vent pendant que les bruyantes fanfares de musique militaire étaient accueillis par les huées et les sifflets des spectateurs. Les statues de pierre de la place de la Concorde, voilées de noir par des mains inconnues, ne virent pas la souillure de Paris. L'Arc de Triomphe avait été barricadé et obstrué de telle façon que les Allemands n'y purent défiler. Le monument triomphal resta vierge de cette souillure. Le soir, Paris prit l'aspect prodigieux, étrange, d'une ville endormie. De lumière nulle part. De rares passants, ni omnibus ni voiture. Le pas d'une patrouille qui retentissait sonore et rythmé dans le lointain et le qui-vive des sentinelles venait seul rompre le morne silence qui planait sur la capitale. La longue ligne des boulevards, noire et sombre, portait le deuil de la cité. Le 3 mars, des comités de vigilance républicaine s'organisent en un comité central sous le titre « Fédération républicaine de la garde nationale ». Un membre, le citoyen Boissier, propose qu'au cas où le siège du gouvernement ne serait pas à Paris, l'Assemblée en effet est toujours à Bordeaux et l'Assemblée choisira Versailles pour résidence le 10 mars, dans ce cas donc la ville de Paris devra se constituer immédiatement en république indépendante. Le 10 mars, le comité central s'adresse directement par tract aux troupes régulières et à l'armée. Soldats, enfants du peuple, on a fait courir en province des bruits odieux. Il y a dans Paris 300 000 gardes nationaux et cependant, chaque jour, on y fait entrer des troupes que l'on cherche à tromper sur l'esprit de la population parisienne. Les hommes qui ont organisé la défaite, démembré la France, livré tout notre or, veulent échapper à la responsabilité qu'ils ont assumée en suscitant la guerre civile. Ils comptent que vous serez les dociles instruments du crime qu'ils méditent. soldats citoyens, obéirez-vous à l'ordre impie de verser le même sang qui coule dans vos veines? Déchireriez-vous vos propres entrailles? Non, vous ne consentirez pas à devenir fratricide et parricide. Vive à jamais la République! Les faits les plus regrettables se sont produits depuis quelques jours dans Paris, note dans une proclamation le ministre de l'Intérieur Picard. Ces faits menacent gravement la vie de la cité. Des gardes nationaux en armes obéissent non à leur chef légitime, mais au comité central anonyme qui ne peut leur donner aucun ordre sans commettre un crime sévèrement puni par les lois. Ils se sont emparés d'un grand nombre d'armes. Thiers veut au plus vite, comme il le dira plus tard, conclure la paix, soumettre Paris et organiser une république modérée, libérée de la double crainte des monarchistes et des socialistes. Soumettre Paris, c'est prendre les canons que détient la garde nationale. La garde nationale, c'est-à-dire l'armée populaire, que révolte aussi la nomination du général Aurel de Paladine, un bonapartiste. Le 18 mars, au matin, les troupes du gouvernement, installées à Paris depuis le 16, saisissent donc les canons. Saisir les canons, 417 pièces, ce n'est rien. Mais il faut transporter les canons. Il faut traverser Paris avec 250 attelages, conduisant chacun une pièce d'artillerie. Et dans les quartiers rouges, à Montmartre, à Belleville, une foule énorme occupe les rues. Et l'on commence à élever les barricades. D'ailleurs, les troupes fraternisent. « Vive la ligne !» crient les gardes nationaux. « Vive la garde !» crient les troupes du gouvernement. « Tous se livrent, écrit le correspondant du Times, aux démonstrations et épanchements auxquels les Français sont enclins quand ils ne sont pas en train de tirer les uns sur les autres. » Ces épisodes du 18 mars, d'après Bellet, doyen d'âge de la Commune, dans son livre « Vérité sur la Commune ». Les femmes, les enfants, une masse compacte escaladait les pentes comme le flot d'une marée montante. Les artilleurs essayaient en vain de se frayer passage. Les vagues humaines envahissaient tout, se glissant sur les affûts, sur les caissons, sous les roues, sous les pieds des chevaux, paralysant l'effort des conducteurs qui frappaient en vain les attelages. Ceux-ci se cabrant, puis donnant du collier, cet élan faisait un vide. Mais il était aussitôt rempli par un remous qui se produisait immédiatement en raison des poussées irrésistibles venues des profondeurs de la foule. Il se produisait comme des effets de ressac qui relançaient les premiers rangs sur les batteries et les inondaient de monde. Les artilleurs et les cavaliers du train tenaient avec une fermeté admirable. On leur avait confié les canons, ils avaient le point d'honneur particulier à leur arme et ils ne voulaient pas les céder. C'est en ce moment que la garde nationale arriva. Elle eut toutes les peines à fendre la foule qui s'acharnait aux roues. Les femmes surtout criaient avec fureur « Dételez, allez-vous-en, nous voulons les canons, nous aurons les canons !» Les artilleurs voyaient au-delà de la multitude, secouée par des mouvements de houle, le ruissellement d'acier des baïonnettes. Cette forte colonne rendait impossible toute tentative d'aller plus avant. Cependant, ils ne faiblissaient pas encore. Des soldats débandés vinrent les interpeller, leur crier de se rendre. Ils restèrent en selle et continuèrent à cribler les chevaux de coups de fouet. Mais un garde national qui était parvenu jusque-là monta sur une borne et lança ce cri « Coupez les traits !» La foule eut un long hurlement de joie. Les femmes plus rapprochées des pièces auxquelles elles s'accrochaient depuis une demi-heure prirent les couteaux que les hommes leur faisaient passer de main en main. Elles scièrent les cordes. Alors le même garde national qui avait donné le premier avis en lança un second. « Ouvrez les rangs! Frappez les chevaux! Laissez-les passer !» La manœuvre fut exécutée avec des rires joyeux et des acclamations. Les artilleurs furent emportés par leurs montures et se trouvèrent séparés des pièces et enveloppés par des groupes qui les invitaient à fraterniser. On leur tendit des bidons pleins de vin, des pains bourrés de viande. Eux aussi, ils avaient faim et soif. Ils furent bientôt gagnés à l'émeute. Les canons étaient repris. Les canons restaient au peuple. 19 mars, le comité de la garde nationale, qui hésite encore à s'attribuer le titre de gouvernement, ce comité siège à l'hôtel de ville. On décide des élections pour le mercredi 22 mars,

Ils se plaignent du comité central qui a l'air de se moquer d'eux et leur fait faire le pied de grue devant des portes closes. Enfin, nous avons trouvé. C'est dans l'ancien local de la commission départementale qu'on a allumé les lampes et que nous allons délibérer. On cherche sa place, on cherche ses amis, on cherche son attitude et son accent. La voix ne sonnera point ici comme dans les salles de bal, faites pour les coups de grosse caisse ou les coups de gueule. Il n'y a pas l'acoustique des tempêtes oratoires. Le parleur n'aura point le piédestal de la tribune du haut de laquelle on laisse tomber son geste et son regard. Dans cet amphithéâtre à gradins, chacun causera de son banc, debout, dans la demi-lune de sa travée. D'avance, la déclamation a du plomb dans l'aile. Il faudra des faits, non des phrases. La meule de l'éloquence qui écrase du grain, et non le moulin que le vent des grands mots fait tourner. 2 avril, jour des rameaux. En fin de matinée, l'armée versaillaise canonne l'avant-poste de Courbevoie. Bon, la guerre civile est commencée, note Edmond de Goncourt dans son journal. Dans Paris, des bataillons se groupent place Vendôme, au Champ de Mars, place d'Italie. 3 généraux lancent 3 colonnes vers Versailles. À droite, Bergeret a pour objectif Rueil, au centre, Eudes par Meudon et Duval par Châtillon. Sur la route de Rueil, les troupes reçoivent les obus du Mont-Valérien. Le récit des funérailles, des morts de ces premiers combats, d'après Paul et Victor Marguerite, La Commune. Un murmure courut dans la foule. Le premier char était énorme. Un bataillon de jeunes volontaires, les vengeurs de Paris, vêtus en chasseurs à pied, ouvraient la marche. Des musiques de la garde nationale suivaient. Les tambours voilés de crêpes résonnèrent sourdement, alternant avec les sonneries déchirantes des clairons. Entre deux files de gardes aux armes renversées, 3 immenses chars traînés par des chevaux noirs venaient ensuite, portant leur échafaudage de cercueils sous la draperie noire à étoiles d'argent. Des faisceaux de drapeaux rouges s'éployaient aux 4 coins, entre des palmes vertes et des couronnes d'immortels. Derrière, conduisant le deuil, des membres de la commune, avec leurs vêtements sombres barrés de rouge, puis les parents des morts, des femmes et des mères éplorées. Enfin, une immense foule recueillie. Et fermant la marche, une bande de bataillons à l'infini. Depuis Beaujon, où les morts avaient été exposés, visages découverts pour l'adieu suprême de leurs proches, le cortège se déroulait avec cette pompe ostentatoire qui frappait l'imagination de la foule découverte au passage et les nerfs des milliers et des milliers d'assistants échelonnés derrière les chars. Il avait suivi la longue ligne des boulevards, gagnait la place de la Bastille par le château d'eau. Et maintenant, les épisodes que nous avons évoqués par des témoignages d'époque, ces épisodes et la suite des événements, tels que les voit un historien contemporain, Henri Guillemin. Henri Guillemin a en effet consacré 3 volumes très vivants aux origines de la Commune. Ses livres sont publiés aux éditions Gallimard. La Commune, Dieu sait si c'est contesté aujourd'hui. Il y a des tas de livres, il vient d'en paraître encore un que je trouve remarquable, d'Henri Lefebvre. Et puis, ça ne fait pas oublier le grand travail de Tersen et Bruat de 1960. Mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, en quelques minutes, c'est d'essayer de vous montrer l'état d'esprit des Parisiens lorsque la Commune va éclater. Qu'est-ce qui se passe donc? Les Parisiens ouvrent les yeux sur ce qu'on leur a raconté, sur ce chef-d'œuvre d'humour noir de la prétendue défense de Paris. Et ils ouvrent les yeux pourquoi? Parce que Jules Ferry, c'était son rôle particulier, avait annoncé à tout le monde, à grand éclat, à grand son de trompe, « Il n'y a plus de vivre que pour 2 jours ». Et Jules Favre, la main sur le cœur comme de coutume et sanglotant, disait « Je ne puis admettre l'idée que les femmes et les enfants souffrent, il faut donc nous rendre ». Or, dès que la nouvelle de la capitulation avait été connue, les vivres cachés étaient apparus en abondance et même en surabondance dans les halles de Paris. Les commerçants gardaient leur stock en vue des possibilités qui s'offriraient à eux dès que la capitulation serait là. Alors j'ai vu dans l'Illustration, qui est un journal, vous savez, bien modéré, enfin bien conservateur, des phrases d'une extraordinaire violence. Quoi, alors on nous a menti? Mais on nous a dit que nous n'avions plus rien, et tout à coup il apparaît des stocks de pommes de terre, des stocks de haricots, de la farine qui sort. Dieu sait pourtant si l'armée, c'est-à-dire par la volonté de l'état-major, avait poussé à une gabegie inimaginable des réserves de farine, puisqu'on donnait des pains à manger aux chevaux. Il s'agissait le plus rapidement possible de dire on n'a plus rien. Alors les Parisiens se disent, mais on nous a roulé, on nous a raconté des mensonges. Ils se rappellent peut-être une certaine phrase qu'avait prononcée Blanqui dès le 13 octobre 1870 dans son journal La Patrie en danger. Est-ce qu'il n'y aurait pas, disait Blanqui, une abominable comédie derrière tout cela, derrière l'apparence de la défense nationale? Alors ces Parisiens, qui dans l'ensemble ne sont pas des gens d'extrême-gauche, vous savez, l'extrême-gauche avait des 60 000 voix à peu près contre 300 000 du Parti conservateur, ces Parisiens vont voter aux élections du 8 février pour la liste de gauche à l'extrême-gauche. Et il va y avoir en tête de liste Louis Blanc, Victor Hugo et même Garibaldi. Cependant, les élections dans le reste de la France n'avaient pas eu le même caractère. Le suffrage universel, pour la seconde fois, comme en 1848, allait sauver la classe possédante et les structures économiques. Qu'est-ce que c'était à ce moment-là de suffrage universel? C'était avant tout la paysannerie. Et rappelez-vous qu'en 1848, il y avait encore 75% d'analphabètes en France. Le chiffre avait à peine diminué pour 1870. Alors les théoriciens disaient, mais il faut faire rapidement des élections générales parce que nous sommes sûrs du résultat de ces élections. Hugo écrira dans L'année terrible une très jolie phrase, un beau vers, « Mère, les maires de village, hein, mères narquois traînant leurs paysans au vote. » C'est exactement ce qui s'est produit. Tocqueville l'avait d'ailleurs raconté avec sa lucidité et son cynisme habituel pour 1848. Mais ça recommence en 1871. Ce sont les maires, ce sont les châtelains, ce sont les ecclésiastiques qui font voter à travers toute la province. Et résultat, une assemblée nationale énormément et prodigieusement conservatrice. Alors divorce, alors rupture entre cette assemblée nationale qui s'est réunie à Bordeaux et Paris. D'un côté, il y a la France possédante qui a fait voter les non-possédants, mais qui a maintenant une majorité prodigieuse, énorme, écrasante de députés de droite. On appellera ça, disait Victor Hugo, la chambre introuvable qui a retrouvé. Et puis de l'autre côté, les Parisiens. Et ces Parisiens sont détestés par la majorité de la France, par les chefs, par les meneurs à l'intérieur de la France, parce qu'ils ont représenté précisément à la résistance l'idée républicaine, peut-être l'idée d'une transformation sociale. Alors, c'était mon métier, enfin j'ai lu la presse, dans la presse du temps, vous voyez des déchaînements contre Paris. Des gens comme Louis Veuillot disant « il faut décapitaliser Paris ». Il faut faire maintenant l'Assemblée nationale, soit à Bourges, soit à Tours, où on voudra vous la laisser à Bordeaux, mais pas Paris, parce que Paris est une ville abominable. Une détestation à travers toute la province contre Paris. Détestation à laquelle se mêle une femme comme Georges Sand, qui à ce moment-là ne pense qu'à ses rentes, et se dit « Jacques Bonhomme va enfin mettre au pas les pignoufs », c'est son expression. Les pignoufs de Paris à la Gambetta. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe qu'il y a à Paris un mouvement d'indignation que je vous ai indiqué, une haine à l'Assemblée nationale, une provocation dirigée contre les Parisiens parce que vous savez que pendant le siège on avait permis que les dettes commerciales ne fussent pas payées et immédiatement l'Assemblée de Bordeaux va dire aux petits commerçants parisiens « vous allez payer tout de suite » et puis la provocation calculée de Monsieur Thiers qui va faire reprendre les fameux canons. Qu'est-ce que c'était que l'histoire des canons? Les Parisiens avaient versé beaucoup d'argent pour qu'il y ait des canons pour le siège. Des canons qui n'avaient jamais servi à rien, naturellement. Alors ils avaient conservé ces canons comme une espèce de symbole. Et quand les troupes allemandes étaient entrées dans Paris, d'ailleurs vous savez très modestement, pendant une journée et demie, on avait retiré tous les canons qui étaient sur l'emplacement où les troupes allemandes devaient se trouver et on en avait mis un grand nombre à Montmartre. Mais attention, ces canons, je le répète, étaient symboliques, ils n'avaient pas de gargousse. Mais Monsieur Thiers disait, on ne peut pas laisser à la population parisienne ces canons entre leurs mains. Alors, le 18 mars, on décide de lancer une opération militaire pour reprendre les canons. 18 mars, c'est le jour où la Commune va éclater. Mais rappelons-nous une chose que l'on ne dit pas assez, que l'histoire de bonne compagnie dissimule toujours, le premier mort de la Commune, si vous voulez. Qui ça a été? Oh, pas les généraux dont on nous a parlé. Clément Thomas et le comte, qui en effet, le 18 mars, seront fusillés. Le premier mort, c'est un soldat républicain, c'est-à-dire un fédéré, un garde national, qui était là gardant les canons. Et on a lancé les troupes contre ces canons et on a tué un de ces gardiens. Alors, explosion en effet du 8 mars. Et on assiste à ceci. Que l'armée, quand je dis l'armée, c'est toujours avec une majuscule, c'est la haute armée, c'est l'état-major. Que l'état-major, qui ne voulait pas se battre depuis 70 parce que défendre la République, ça lui paraît monstrueux et dangereux pour les structures, l'état-major à ce moment-là, à partir du déchaînement du 18 mars, à partir de la Commune, l'état-major est saisi. Oh mais vous savez, d'une ardeur qui touche à la frénésie pour se battre, car il s'agit de se battre contre qui? Non pas contre l'envahisseur, les Prussiens ça c'est donné de gens qui ne veulent pas troubler les structures, mais se battre contre Paris. Il faut obtenir de Bismarck, qui est tout disposé, un renforcement de l'armée française, il faut lui demander que les prisonniers reviennent le plus vite possible, et on assiste alors à une espèce de rivalité, de zèle, de dépense de zèle. Des généraux, Bazaine lui-même demande à reprendre du service, parce que les généraux français veulent faire maintenant, en mars 1871, ce que Bazaine avait proposé de faire en octobre 1870. Et je ne peux pas me retenir d'un certain sourire lorsque je vois aujourd'hui des gens qui veulent nier la trahison de Bazaine. Bazaine est quelqu'un qui, physiquement et positivement, a proposé aux Allemands, c'est-à-dire aux envahisseurs, en octobre 1870, de neutraliser son armée du côté de l'envahisseur et de la tourner contre Paris. Ben, c'est ce que vont faire, avec enthousiasme, les généraux de Versailles. Ils sont enfin dans la guerre qui les intéresse, la guerre contre le prolétariat. Grandeur de la Commune, oh, je sais très bien qu'il y a eu des incompétences, qu'il y a eu des rivalités. Mais ce que je voudrais vous dire en terminant, c'est qu'il y a eu là tout de même un soulèvement magnifique. Quand on pense à des gens comme Delescluze, le vieux Jacobin, qui aurait pu éviter la mort et qui se fera tuer volontairement. Quand on pense à la noblesse d'un Varlin, quand on pense à Vallès, à Jules Vallès. Sartre, dans ses mots, dit avec justesse que c'est assez facile de s'engager avec des mots, mais que d'engager sa peau, d'engager sa vie dans un combat, c'est peut-être plus difficile. Jules Vallès, c'est quelqu'un qui échappe à la sentence de Sartre. Jules Vallès, c'est quelqu'un qui était un écrivain, en effet, mais qui, au moment de la Commune, a payé de sa personne. Quelqu'un qui a pris des risques suprêmes. Simone Veil, dans un texte que j'aime beaucoup, dit « Si quelqu'un fait seulement trois pas, disait-elle, Simone Veil, trois pas, dans la direction de ce que ce quelqu'un estime le bien, pas en vue d'une récompense surnaturelle, pas en vue d'un paradis, simplement parce que c'est le bien, j'appelle ça, disait-elle, trois pas miraculeux. » Eh bien, un gars comme Vallès, et Varlin, et Delescluze, et des tas d'autres, vous savez, parmi les obscurs de la Commune, dont on ne sait même plus le nom, je vous assure qu'il y a une idée de tas qui ont fait les trois pas miraculeux, et bien plus même que les trois pas. Je ne crois pas avoir voulu substituer à l'histoire des historiens fondée sur l'étude des faits un schéma idéologique et encore moins une sorte d'a priori sociologique. J'étudie les faits en sociologue et je constate dans les prémices, dans les préparatoires de la Commune, un rôle particulièrement important joué par l'organisation urbaine, par la ville isolée pendant le siège, par les quartiers qui prennent une autonomie et qui deviennent les centres, les noyaux de l'organisation urbaine. L'ancienne société se déstructure et une structure nouvelle se met en place, fondée sur la ville et surtout sur la vie des quartiers qui était en ce moment très intense et plus intense que jamais pendant et après le siège. Et alors, si je veux exprimer d'une façon plus précise la méthode suivie dans ce livre, je dirais qu'il y a pour moi trois ordres ou trois plans. Les causes, les raisons et les significations. Les causes historiques, on les étudie, je les étudie à leur place, c'est l'Empire, le Second Empire, c'est la croissance industrielle, c'est la formation du prolétariat et l'éveil de sa conscience, c'est l'international, la première internationale, qui n'a pas dirigé les événements, mais qui a été un ferment. Voilà l'ordre des causes historiques. En second lieu, l'ordre des raisons. Les raisons, ce sont des idéologies. Il y a en présence le jacobinisme et ses survivances. Il y a le proudhonisme et ses positions compliquées. Il y a même des éléments, des germes plus ou moins obscurs de pensée marxiste, puisque Marx avait des correspondants à Paris. Et puis aussi la conscience historique à cette époque, très vivante, plus vivante que de nos jours, sans doute, parce que appuyée même sur toutes les mythes de Paris, sur l'image de Paris, de la France, de leur histoire, des révolutions encore toutes proches, une conscience historique efficace. Ça, c'est l'ordre des raisons. Puis l'ordre des significations. Les significations qui se dévoilent par la suite et encore parmi nous. Par exemple, la Commune est décentralisatrice. Grand paradoxe. Avec la Commune, Paris se proclame capitale. Il réclame son rôle. La ville se proclame mesure du monde. Et en même temps, cette ville révoltée veut décentraliser. Affirme que toutes les autres villes ont droit à leur autonomie, à être des unités territoriales réelles. La ville, dans le pays le plus centralisé du monde, la ville capitale, furieuse d'être décapitalisée par Versailles et les gens de Versailles, proclame la décentralisation. Et c'est là une signification qu'ils n'ont pas vue en tant que telle directement, mais qui devient peu à peu consciente au cours de l'histoire, et surtout aujourd'hui, où la décentralisation est une exigence presque générale dans la plupart des grands pays industriels. Alors, ce plan, cet ordre des significations se dévoile, se dégage peu à peu, et c'est aussi le travail de l'historien et du sociologue. Et si nous passons aux conséquences de tout cela, nous apercevons que peut-être, alors là, ces trois indications selon lesquelles vous avez poursuivi votre enquête se regroupent dans l'idée justement de cette liberté. Vous insistiez tout à l'heure sur le fait que chaque ville a le droit de se définir. Et en effet, je crois que c'est Courbet qui dira devant ses juges « L'homme se gouverne lui-même, la cité se gouverne elle-même ». C'est une revendication qui revient constamment dans toutes les proclamations de la commune. Votre commune est constituée, vous êtes maître de vos destinées. C'est la proclamation du 29 mars 71. Alors, évidemment, il y a deux aspects dans cette liberté. Un aspect positif par lequel une commune se définit elle-même, des hommes se définissent selon leur activité. On ne veut pas que les députés soient des avocats, on veut qu'ils soient véritablement des exécutants. Il n'y a plus de pensée parlementaire, de pensée administrative qui s'établit entre l'électeur et celui qui l'a élu. Et d'autre part, l'aspect négatif, alors là il me semble, c'est le fait que la commune fait quand même sauter toute l'organisation de l'État. Et c'est peut-être ainsi qu'on peut expliquer l'échec de la commune par la non-résistance. Oui, c'est exact, mais pas tout à fait. Ce que la commune a voulu, obscurément, à moitié consciemment, ce n'était pas seulement la disparition de l'État. C'était la réorganisation de la société sur de nouvelles bases, ou plus exactement sur ses bases réelles. C'était ce que nous appelons maintenant l'autogestion. Elle a d'ailleurs été indiquée, cette direction, dans quelques cas, notamment par Theis, à l'hôtel des postes, dans l'administration des postes. L'idée du service public, l'État se justifie dans la mesure où il est un service public. Oui, mais où les intéressés, serviteurs de l'État, ou gens des services publics, mais aussi dans l'industrie et aussi dans l'agriculture, s'organisent eux-mêmes et gèrent leurs instruments de travail. C'est cela notre idée de l'autogestion, ranimée par toutes sortes de controverses actuelles sur sa possibilité ou son impossibilité. On la voit esquissée, on la voit inventée par la commune. Là encore, c'est une signification qui se dégage peu à peu pour nous. Mais il y a une grande invention de la commune qui n'est même pas dans Marx, ce que nous appelons l'autogestion. Ce qui est assez curieux, c'est de voir quand même que cet aspect hostile à l'État, enfin, qui est d'ailleurs dans le tempérament français, qui a toujours existé, n'est-ce pas? Oui. Mais il est assez curieux de voir qu'à l'époque, ça a paru anachronique. Dans la mesure où Versailles a observé le phénomène de la commune, ils se sont dit, ils sont en train de revenir à une espèce d'organisation spontanée qui était celle du Moyen-Âge. La commune est apparue comme un phénomène anachronique. Il y a un autre aspect d'ailleurs qui est assez curieux, c'est que finalement, tous les hommes du 19e siècle, dans la mesure où ils appartenaient justement à ces classes laborieuses, ces classes malheureuses, dont on a si souvent parlé dans ce prolétariat, si accablé du 19e siècle. Au fond, que connaissait-il de l'État? Il connaît, c'est l'État répressif, c'est-à-dire la justice, la loi. Oui, oui. La loi sous la forme de la justice. Oui, oui. Et alors, on voit sauter immédiatement, dès l'organisation de la commune, toutes ces amendes, toutes ces retenues sur les appointements, sur salaires, et qui étaient justement, pour le salarié, l'aspect que prenait pour lui l'État, un État terriblement tracassier. Oui, mais c'est l'ère, c'est l'aube de la liberté, où la liberté n'a pas de sens, où elle a ce sens. Et c'est pourquoi le peuple et le prolétariat de Paris est La ville, la cité, en se retrouvant eux-mêmes, en se ressaisissant, sont entrés dans une atmosphère de fête. C'est peut-être l'aspect le plus paradoxal de ce livre, et je le sais parfaitement d'avoir présenté la commune comme une vaste fête collective, mais là j'ai les textes, et les textes sont précis. La liberté retrouvée, se retrouver dans une atmosphère de fête. Le dernier point sur lequel j'aimerais interroger Henri Lefebvre, parce que là encore, son livre pose des questions et renouvelle le problème. On a souvent dit que la commune avait définitivement, enfin tout au moins pour un temps assez long, brisé le parti ouvrier français, le syndicalisme français. Au contraire, Henri Lefebvre pense que la commune a sauvé la République, sur un plan d'ailleurs tout à fait momentané d'abord, puisque Thiers s'est finalement servi de la commune pour imposer la République contre des éléments ultra-démocratiques ou contre des éléments monarchiques à l'Assemblée de Versailles, mais sur de longues durées, la République affirmée par Thiers a été obligée d'entériner, c'est là la position de Henri Lefebvre, d'avaliser les conquêtes de la commune, ces conquêtes dont nous venons de parler. Ben, ces conquêtes, la laïcité, une législation ouvrière, la reconnaissance du droit syndical, ben, la Troisième République l'a accomplie avec lenteur. Ce qui aurait pu être fait d'une façon démocratique en 1871 et dans les années suivantes a été fait d'une façon plus violente, plus dramatique et en même temps plus lente. Et il me semble que la commune, en portant des coups terribles, l'appareil d'État bonapartiste a permis un État plus démocratique, une démocratie certes limitée, nous le savons, mais jusqu'à un certain point réel, celle de la Troisième République. Et d'ailleurs, historiquement, vers 1880, la montée du radicalisme français et du laïcisme et la démocratisation de la Troisième République s'est fait autour de la campagne pour l'amnistie des communards, pour la réhabilitation des communards. Donc le rôle politique de la commune me semble immense et, comme on dit, positif. Elle n'a pas cassé le mouvement ouvrier, elle a ouvert la démocratie. Oui, enfin, l'idée si importante, et qui sera reprise d'ailleurs aussi bien dans les milieux ouvriers que dans toute cette littérature du peuple qui va se développer après, que Peggy d'ailleurs lira et utilisera, l'idée que pour la première fois avec la commune, enfin, les pauvres ont trouvé un appui réel auprès du pouvoir, et que cet appui réel, c'est le fondement même de la société. Et Peggy, profondément révolutionnaire, pensera que il faut travailler à faire justement une révolution qui sauvera de la misère tous les misérables, et que ce n'est pas simplement en leur donnant l'instruction publique obligatoire, ce qui était finalement le programme de Hugo ou le programme de tous les libertaires de la première partie du XIXe siècle, mais en leur apportant une aide économique, en les sauvant de la misère économique. Et ça, je crois que la commune a donné cet accent nouveau à l'idée, sinon de la révolution sociale, au moins de l'évolution sociale. Elle a donné une impulsion irréversible, pas seulement en France d'ailleurs, mais à une échelle beaucoup plus large, bien entendu, puisque tous les mouvements révolutionnaires, par la suite, et encore aujourd'hui, se réclament de la commune. Je crois qu'on peut dire que la commune, phénomène de masse, a intéressé toute la cité aux réalités et aux théories politiques. C'est la conclusion de Henri Lefebvre que nous venons d'entendre, de Henri Lefebvre qui vient de nous parler de l'influence de l'idéologie politique de la Commune sur la Troisième République, à la fin de son exposé. Mais si nous nous situons non plus au niveau des significations, des symboles, mais au niveau des événements, ce prestige mythique de la Commune a-t-il entraîner des avantages pour les partis ouvriers français qui avaient participé, ou au contraire, la commune fut-elle une circonstance malheureuse? C'est la question que nous voudrions poser à Georges Lefranc, qui est un spécialiste de l'histoire sociale de la Troisième République. Georges Lefranc. La commune est un phénomène historique extraordinairement complexe, arbitrairement simplifié par le mythe auquel il a donné naissance et par le culte qui s'est greffé sur ce mythe. Je crois que si on veut le bien comprendre du point de vue du mouvement ouvrier, il faut se souvenir d'un certain nombre de faits. D'abord, lorsque la Commune éclate, le mouvement ouvrier se trouve encore dans ce que j'appelle la nébuleuse primitive. Toutes les formes de l'action ouvrière se mêlent encore indistinctement, sans que on donne à l'une ou à l'autre, dans tel ou tel milieu, une prépondérance particulière. Les militants sont à la fois militants syndicaux, militants politiques, militants coopérateurs, et c'est le cas, par exemple, pour Eugène Varlin. D'autre part, la classe ouvrière n'est pas encore nettement distincte du petit peuple, et la Commune elle-même est une révolte artisanale autant qu'une révolte ouvrière. Dans cette évolution, qui se fait lentement, la Commune intervient comme un élément à la fois d'accélération et de rupture. Il me semble que la rupture est triple. D'une part, la Commune aboutit à une cassure entre la classe ouvrière et la nation. Ça n'est certes pas la première fois, car la révolte des Canuts de Lyon, d'abord en 1831, les journées de juin 1848 en second lieu, avaient déjà traduit ce divorce profond entre une partie des classes populaires et le reste de la population. Mais avec la Commune, l'événement prend une dimension beaucoup plus considérable. La classe ouvrière a le sentiment qu'elle est rejetée hors de la nation. Et pendant plusieurs dizaines d'années, peut-être même encore aujourd'hui, elle se cantonnera sur le mont Aventin. L'heure de la sécession ouvrière a commencé. Je ne suis pas certain que la classe ouvrière ait encore totalement le sentiment que cette sécession est terminée. Il en résulte un refus de s'intégrer dans l'État, une protestation permanente, une opposition de tous les instants qui, finalement, fera déboucher le syndicalisme sur un syndicalisme révolutionnaire, sur un syndicalisme d'opposition absolue, non seulement à l'État bourgeois, mais à l'idée même d'État. Et la charte d'Amiens est elle-même, dans une très grande mesure, la conséquence de cette opposition. C'est, je crois, la première coupure qu'introduit ainsi la Commune. Une seconde coupure se produit du fait qu'à partir de 1871, les différentes formes d'action ouvrière se différencient. La classe ouvrière française, qui aurait pu évoluer comme la classe ouvrière belge ou comme la classe ouvrière britannique, débouchait sur un parti ouvrier associant à la fois les coopératives, la forme d'action politique et les syndicats dans une action commune, ou bien essayer la formule travailliste d'un parti politique émanation des syndicats organisés. La classe ouvrière française, au contraire, se différencie de plus en plus sur le plan politique. Certains préfèrent l'action du parti, d'autres refusent toute action politique, d'autres se lancent dans l'action coopérative et on assiste à un morcellement de la classe ouvrière en trois formes principales d'organisation rivales et dans une certaine mesure dont chacune essaie de se présenter comme suffisante à résoudre tous les problèmes. Troisième coupure, c'est la coupure dans l'évolution de la classe ouvrière elle-même. Le mouvement syndical avait commencé vers 1866-67. Il avait lentement commencé sa croissance organique. Les syndicats de base, les fédérations déjà étaient dans certains métiers apparus. On avait vu s'esquisser des organisations syndicales interprofessionnelles du type Union des syndicats. Et on pouvait prévoir qu'à brève échéance, il apparaîtrait quelque chose qui annoncerait une confédération. Or, la Commune, brusquement, et la répression de la Commune, amène un recul, une retombée au néant. Il faudra attendre une dizaine d'années pour que le mouvement syndical reparte. C'est seulement à partir de 1877-78 que lentement, péniblement, il se reconstituera. Il faudra attendre 1895 pour qu'une confédération surgisse. Ces 10 années, 20 années de perdus qui ne se retrouveront plus et qui feront que la classe ouvrière française a pris un retard par rapport aux classes ouvrières des autres pays d'Europe occidentale. Et cette cassure se traduit également par la disparition d'une génération d'hommes expérimentés, dont le meilleur exemple me paraît être Eugène Varlin. Lorsqu'il tombe, victime de la semaine sanglante, il a 32 ans. C'est dire qu'il pouvait encore, s'il avait vécu normalement, vivre et agir pendant à peu près une bonne trentaine, peut-être une quarantaine d'années. Il aurait eu 65 ans, à peu près au moment où se cherche l'unité socialiste, au moment où elle se reconstitue peu à peu, et qui sait ce qu'aurait été alors l'action d'un homme comme Varlin qui, précisément, mêlait l'action syndicale, l'action coopérative et l'action politique. Quelques-uns, évidemment, survivront. Un homme comme Benoît Malon, un homme comme Alman, joueront par la suite un rôle important dans l'évolution du mouvement ouvrier. Mais ces hommes seront marqués eux-mêmes par l'interruption qu'a value à leur action la condamnation au bagne ou à l'exil. Ils seront d'ailleurs plus ou moins crispés dans l'exaltation de la Commune, dans la fidélité au souvenir de la Commune, comme l'a été aussi Blanqui, qui, dans son manifeste de Londres de 1876, reprochait aux syndicalistes qui avaient tenu un congrès à Paris de ne pas avoir osé célébrer le souvenir de la Commune et d'avoir en quelque sorte renié ceux qui étaient tombés victimes de la répression. Je crois par conséquent que la Commune a finalement, dans l'histoire du mouvement ouvrier, introduit en France un élément de retard, un élément de crispation dans la fidélité, mais tout compte fait, je pense que le mouvement ouvrier français aurait progressé plus vite, aurait pris des formes plus hardies, plus nouvelles, si cette coupure ne s'était pas produite dans ces semaines tragiques de mars à mai 1971. Révolution qui tourne court, révolution en projet, où le possible se mêle sans cesse au réel, où l'événement symbolique, le discours, l'idéologie ont sans cesse leur efficacité, la Commune a inspiré beaucoup d'écrivains. Nous en avons cité quelques-uns, parmi ceux qui ont décrit la spontanéité du phénomène pour l'avoir vécu au jour le jour. Mais à côté des témoins, 20 ans, 30 ans après, d'autres écrivains ont recueilli les germes lancés en 1871. Ils ont remis les choses en place, médité sur le sens, préservé le meilleur, tout en tenant compte de l'actualité, une actualité tenace dont ils recueillaient les échos auprès des vieux de la vieille. Parmi ces mémoires, parmi ces romans, écrits après coup sur la Commune, l'œuvre la plus importante est sans doute les deux grands récits de Lucien Descaves, que son fils, Pierre Descaves, nous présente. Je laisse la parole à Pierre Descaves. Et il faut tout de même ne pas oublier, ceci est essentiel, ce que disait M. Vigier tout à l'heure, n'est-ce pas ? La République n'a pu s'enraciner que parce qu'elle était conservatrice. Et elle a été conservatrice parce qu'elle avait détruit la Commune. Ce sont des affirmations très simples. Ça, c'est absolument vrai. Sont incontestables. C'est d'ailleurs celle de Thiers. La République sera conservatrice ou ne sera pas. Et c'est tout de même très important dans l'histoire de France. Oui, la Commune, somme toute, si elle a provoqué une régression au point de vue social, a accéléré l'évolution au point de vue politique. Alors, si vous appelez accélérer l'évolution, fonder une république sans les républicains est contre eux. Je sais, cher monsieur Berle, que vous adorez le paradoxe, mais je crois que vous l'exagérez en l'occurrence, parce que la République a d'abord été conservatrice, mais vous connaissez trop bien l'histoire de la Troisième République pour savoir qu'elle ne l'est pas restée. Et c'est parce qu'elle a été conservatrice à ses débuts qu'elle a pu exister, et qu'elle a pu donc par la suite devenir réellement républicaine. Thank you. Le dimanche 21 mai 1871, 1300 musiciens donnent un concert au jardin des Tuileries, au profit des veuves et des orphelins de la garde nationale. C'est le requiem de la commune, écrivent messieurs Vinocq et Azéma dans leur ouvrage Les Communards. Pendant toute cette journée, en effet, les Versaillais pilonnent Auteuil, le point du jour, la porte de Saint-Cloud. Pas de riposte. Dans la soirée, 20 000 hommes de troupes entrent dans Paris, et à minuit, on se bat au Trocadéro. Le Trocadéro est facilement occupé par le général Vinoix. Le 22, on peut lire sur les murs une proclamation. Que Paris se hérisse de barricades, et que derrière ses remparts improvisés, il jette encore à ses ennemis son cri de guerre, cri d'orgueil, cri de défi, mais aussi cri de victoire. Car Paris, avec ses barricades, est inexpugnable. Pourtant, 5 arrondissements ont déjà cessé le combat. Et le 23, Montmartre tombe sans grande résistance, mais le ministère des Finances, les Tuileries, le château du Palais-Royal, la caisse des dépôts et consignations, la Légion d'honneur sont en feu. Et le 24, tout le quartier du centre, de l'hôtel de ville au boulevard Sébastopol, est incandescent. Le récit de ces fameux incendies, d'après Elémir Bourges, dans « Les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent ». Le ciel était extraordinaire. Une rougeur immense l'emplissait. Au-dessous, dans la confusion des toits, des flèches, des édifices, de grandes fournaises flambaient. Mais l'incendie combattu tout le jour par les soldats de l'armée de Versailles avait à ce moment on ne sait quoi d'immobile. La canonnade se taisait. Les deux parties harassées faisaient trêve. La ville, au loin, semblait déserte. Le feu livide et comme sulfureux glissait sur les coupoles en silence. Nulle lumière ne sortait de ces pâles gouffres de flammes, mais une obscurité rougeâtre qui laissait distinguer de toutes parts des solitudes affreuses et des ruines. L'homme s'arrêta en tressaillant. Des clameurs, des vociférations s'entendaient vaguement là-bas, dans la plaine semée de tombes, où les nuages enflammés réverbéraient une lueur sinistre. Inquiet, l'homme tendait l'oreille. Ensuite, il se remit en marche. Les incendies se réveillaient sous les rafales du vent d'ouest, et d'autres que l'on allumait roulaient de larges fumées noirâtres qui s'entassaient au fond du ciel. De temps en temps, le feu, d'un bond, dressait comme un long bras de flamme, et le cimetière, dans un éclair, s'illuminait et s'éteignait, avec ses jardins ténébreux et ses centaines de stèles blanches. Mais en bas, sur le boulevard, entre les rangées d'arbres immobiles, s'agitaient des masses obscures. 4 canons passèrent au grand trot, puis des bataillons défilèrent. Une joie confuse naissait à l'aspect du vaste incendie. Il s'éleva une clameur de guerre. Le profond Paris frissonna. On entendit des voix étranges, des appels, des clairons, des murmures, une universelle rumeur. En cet instant, la batterie du Père-Lachaise tira. Les flammes déchiraient les ténèbres. À chaque fois, la colline tremblait et une batterie lointaine, dont l'éclair rouge s'apercevait du côté de l'Arc de Triomphe, répondait, comme à temps égaux, coup pour coup, au-dessus de la ville. Dans les jours qui suivirent, pour les 4 arrondissements tenus encore par la commune, la barricade fut le dernier tranchement. Les Versaillais durent avancer quartier par quartier. Le 24, l'hôtel de ville, le 25, le 10e arrondissement, et les 3 derniers jours, acculés au cimetière du Père-Lachaise, les communards résistent pied à pied, corps à corps. Pendant ces derniers jours, la répression fut terrible. Les exécutions sommaires frappaient à tort et à travers, toujours implacablement. La tuerie du Luxembourg, d'après le récit qu'un sergent a raconté à Maxime Vuillaume, rédacteur du Père Duchesne. Et le sergent me raconta dans tous ses détails l'effroyable boucherie de la cour martiale. Depuis l'entrée des troupes, on fusillait sans relâche. On fusillait derrière ces bosquets dont le vert feuillage m'était apparu et que je revoyais criblé de gouttes de sang. Là, c'était un simple peloton, 4x4, contre un mur, contre un banc. Et les soldats s'en allaient, rechargeant tranquillement leurs fusils, passant la paume de la main sur le canon poussiéreux, laissant là les morts. On fusillait aussi autour du grand bassin, près du lion de pierre qui surmonte les escaliers menant à la grande allée de l'observatoire, le long de la balustrade de gauche. Et tous ces morts, qu'en fait-on ? Tous ceux qu'on a fusillés jeudi, le jour où vous y étiez, on les a enlevés la nuit suivante. De grandes tapissières ont été amenées. Je crois qu'on a tout emporté à Montparnasse. Je me représentais l'horrible scène. La montagne de morts, ceux qui avaient été fusillés les premiers, écrasés sous le poids de ceux qui étaient venus s'abattre sur leurs cadavres. Toute cette chair trouée et sanglante, sur la pelouse barbouillée de sang. Le sergent avait repris son récit, il détaillait l'abattoir, place par place, peloton par peloton. Et lui demandai-je, on fusille toujours ? Le sergent fixa sur moi ses yeux étonnés. Nous étions, autant qu'il m'en souvienne, à la matinée de dimanche, à la dernière agonie de la bataille. « Certainement, me répondit-il. On n'a pas cessé depuis que nous sommes entrés à Paris. Ah, vous n'avez rien vu ? Moi, j'ai commencé à voir cela à la Croix-Rouge, où nous avons tourné les barricades par le bas de la rue de Rennes. On en a fusillé un paquet, là. Surtout des officiers. » Brusquement, des cris éclatèrent en bas, au-dessous de nous. Le sergent se mit à la fenêtre. « Voilà une bande de prisonniers, dit-il sans se retourner. On les conduit certainement au Luxembourg. » Les prisonniers qui venaient du Collège de France étaient bien une cinquantaine. Ils avançaient entre deux rangées de soldats. Tout ce monde marchait à une allure accélérée. J'eus le temps de voir des têtes nues, des bras collés au corps, des visages pâles et abattus. Trois femmes se donnaient le bras. Une foule hurlante suivait. Et j'entendis distinctement le cri féroce. « À mort ! À mort ! Au Luxembourg !»« On en amène comme ça tous les quarts d'heure, dit le sergent. » Et pour finir, le reportage de Zola sur Paris, Paris après la semaine sanglante, ce reportage apparu dans le Sémaphore du 28 mai et du 11 juin 1871. Je renonce à vous peindre l'aspect de Paris. On a passé la nuit dans une sorte d'aurore sanglante. Le ciel était livide, comme cuivré par l'approche d'un terrible orage et traversé par des éclairs rouges qui l'éclairaient largement. Et la fusillade ne cessait pas. On se battait dans cette épouvante, sous ce ciel diabolique qui faisait rêver à toutes les horreurs d'un enfer dantesque. Non, jamais pareil cauchemar n'a secoué un peuple. L'imagination des poètes les plus sombres et pauvres à côté de cette réalité, de cette bataille enragée dans la lueur fauve des incendies. On transporte tous les débris qu'on inhume loin de Paris, dans les cimetières des environs. Il paraît que le jour de l'entrée des troupes, on avait empli de cadavres les casemates des fortifications. Comme on ne pouvait songer à vider ces charniers sans empester tout Paris, on s'est décidé à se servir des casemates comme de fours énormes. On a ouvert des cheminées par le haut et l'on a ensuite mis le feu aux cadavres qui ont cuit sous terre. Tout cela est horrible. Et pendant que les orgues jouaient, que les fidèles s'agenouillaient devant les superbes catafalques, je songeais à ces morts affreux, à demi pourris qu'on brûle comme un tas d'ordures malsaines. On accuse les fossoyeurs improvisés d'avoir enterré les blessés et les morts. Dans certains jardins, on aurait vu des bras sortir à demi de terre et s'agiter. On prétend qu'à Auteuil, on a trouvé un blessé qui avait réussi à sortir à demi de terre et qui est mort là, les jambes encore prises dans le sol, les bras horriblement tordus, la face affreuse, tournée vers le ciel. Thank you. Dans cette histoire de la Commune, il faut évidemment faire une place à la répression. La répression a été en effet la plus vaste entreprise de punition de l'histoire sociale, et nous allons nous appuyer pour cette partie de notre programme sur le procès des communards publié par Jacques Rougerie dans la collection Archives aux éditions Julliard. Je voudrais en introduction citer quelques lignes écrites par Jacques Rougerie. Le dimanche 28 mai 1871, vers 2h de l'après-midi, est tombée la dernière barricade de la Commune en plein cœur du quartier Belleville. La semaine sanglante s'achève. Il ne faut pas oublier que cette semaine sanglante a fait déjà 20 000 victimes. Je continue la citation. « Après la victoire, il faut punir. Il faut punir légalement, mais implacablement, a déclaré Thiers, chef du pouvoir exécutif. » Et la citation de Thiers continue. « L'expiation sera complète, mais ce sera, je le répète, l'expiation telle que les honnêtes gens doivent l'infliger quand la justice l'exige, l'expiation au nom de la loi et par la loi. » Eh bien, c'est cette expiation au nom de la loi et par la loi que Jacques Rougerie a essayé de reconstituer dans ses moindres détails en étudiant les archives du château de Vincennes, soit 15 000 dossiers. Et j'aimerais, Jacques Rougerie, que vous me disiez d'abord comment vous avez pu accomplir ce travail et dans quel état sont ces archives. Je n'ai pas encore achevé ce travail, dans la mesure où j'ai effectué approximativement le dépouillement de la moitié de ces dossiers. Ils sont en bon état de conservation au château de Vincennes. Malheureusement, 15 000 dossiers au total, ça n'est qu'une petite partie, ça n'est qu'un fragment de l'ensemble des documents qui avaient été réunis à propos de la répression de la Commune. Un peu moins de la moitié, puisque on peut tabler en gros sur le chiffre d'une quarantaine de milliers de prisonniers. Ces dossiers sont extrêmement intéressants car ils fournissent quantité de renseignements d'abord sur la personne de l'insurgé lui-même, sur ses origines, sur son métier, sur son travail, sur son âge bien entendu, sur tout son passé de révolutionnaire ou de non-révolutionnaire, car beaucoup de communards enfin, n'avaient pas eu d'activité spécialement politique avant de se lancer dans l'insurrection. Et par ailleurs, à titre de pièce jointe, dont j'ai fait un assez grand usage dans le troisième chapitre de ce petit livre, à titre de pièce jointe, on trouve dans ces dossiers quantité de documents extrêmement divers et qui ont été extraordinairement conservés grâce à cette opération de répression. Alors cette opération de répression a conduit tous ces prisonniers devant des conseils de guerre. C'est le conseil de guerre de la division militaire de Seine-et-Oise qui les a jugés. Vous nous racontez comment au départ il y avait deux conseils de guerre. Les deux conseils de guerre étant débordés, on a ajouté 22 conseils supplémentaires. Et ces instructions, si on les arrête, mettons, au 1er janvier 1875, vous donnez un chiffre extrêmement précis de 38 578 insurgés qui ont été jugés, dont 36 909 hommes, 1054 femmes et 615 enfants. C'est un nombre de prisonniers considérable, enfin je crois à peu près 4 fois plus qu'en juin 1848. Qu'a-t-on fait de ces prisonniers? Où les a-t-on installés? C'était 3 à 4 fois plus qu'en juin 1848. Où les a-t-on installés? Bah, précisément, enfin, les prisons étaient trop petites. On ne savait qu'en faire. On a commencé par bourrer au maximum toutes les prisons de Paris, de Versailles et des environs. Et ensuite, alors, pour le surplus, au moins une trentaine de milliers d'insurgés, on les a conduits en général dans les ports, à Brest, à Cherbourg, à Lorient, où on les a, un peu comme ceux qui allaient devenir enfin, des galériens, où on les a parqués sur des pontons, sur des vieux navires, où bien entendu, enfin, ils ont vécu dans des conditions assez déplorables. Alors, il faudrait maintenant essayer, ce que vous faites dans votre livre, essayer de lever un peu le voile, puisque évidemment, ces prisonniers sont presque toujours des comparses, des gens d'ailleurs qui ont bien souvent été arrêtés après, puisque les arrestations ont été poursuivies jusqu'au mois de juillet 71, soit 3 mois, 4 mois après la chute de la dernière barricade. On a arrêté encore jusqu'en 1878. C'est des cas exceptionnels de gens déjà jugés souvent par contumace. Enfin, les arrestations se sont faites encore à cette période. Alors, lorsqu'on lit dans votre livre l'ensemble de ces interrogatoires, les mêmes questions question a été posée à peu près à tout le monde. Il y a une espèce de canevas d'interrogatoire qui est posé au communard de base, enfin au communard moyen, où on lui demande, bien entendu, enfin, ce qu'il a fait pendant la semaine sanglante. C'est le point le plus important. S'est-il ou non battu pendant la semaine sanglante? A-t-il porté les armes une fois ou plusieurs fois contre Versailles? C'est-à-dire, enfin, a-t-il appartenu à un des bataillons de la garde nationale qui ont été effectivement engagés dans la lutte? En outre, alors, bien entendu, quels sont ses antécédents révolutionnaires? Et le point le plus important étant de savoir s'il appartient à cette fameuse association internationale des travailleurs qui apparaît comme le grand péril, enfin le véritable péril rouge en cette année 1871. Oui, alors ces interrogatoires qui plongent assez avant dans la vie des accusés nous permet de repérer la biographie de ces personnages. Et ce qui est passionnant dans votre livre, c'est de voir les catégories de révolutionnaires que les juges ont eues en face d'eux. Puisque presque toujours, vous remarquez que l'âge des accusés est un âge assez avancé. Presque tous ont entre 20 et 40 ans, ou même plus de 40 ans. Ce sont souvent enfin des chevaux de retour et assez rarement, enfin par comparaison avec d'autres insurrections plus récentes qu'on a pu voir, assez rarement des jeunes gens. Il s'agit la plupart du temps d'individus ayant déjà un passé révolutionnaire assez important. Enfin, on peut considérer que la plupart ont déjà vu probablement juin 1848 et en ont gardé le souvenir. C'est cela. Et alors, vous donnez des statistiques d'ailleurs très précises. 55% avaient de 20 à 40 ans et 32% de 40 à 60 ans. Alors nous trouvons cette catégorie des vieux de la vieille dont vous nous parliez à l'instant, qui précisément ont fait juin 48. Au fond, la commune de 1871 n'est en quelque sorte qu'une insurrection, une répétition des insurrections d'autrefois. On a plagié du haut en bas de l'échelle sociale, depuis les chefs jusqu'au plus bas du peuple, on a plagié l'expérience de 1793. Seulement il s'est trouvé alors, en revanche, que Une petite fraction représente ce qu'on appellerait aujourd'hui, enfin de ce mauvais mot, le prolétariat conscient et organisé. Dans la mesure où, depuis le début des années 1860 en France, on a vu naître, grâce à l'Association internationale des travailleurs, fondée en 1864 et qui s'est développée en France à partir de 1865-1866, on a vu se fonder des groupements ouvriers qui, peu à peu, ont pris le titre d'alors de société de résistance et qui au fond sont très exactement déjà, et c'est ça le point très intéressant, très exactement déjà, enfin au sens moderne, des syndicats. Bien entendu, nous ne sommes encore qu'au départ, au démarrage de ce mouvement syndical qui est encore relativement peu nombreux, mais il est certain qu'il y a une espèce de prise de conscience syndicale qu'on voit apparaître dans la population parisienne et dans la population d'ailleurs d'autres grandes villes de France, et qui fait que nous entrons déjà dans une certaine mesure dans le monde ouvrier moderne, si l'on peut dire, dans des formes de mouvements ouvriers qui ne sont plus seulement alors la révolution ou l'insurrection spontanée, mais aussi l'organisation ouvrière, l'organisation de type déjà syndical. Oui, d'ailleurs, ce qui est aussi très important, et ce que Jacques Rougerie souligne dans son livre, c'est que le communard n'est pas, comme le révolutionnaire de 92 ou 93, enfin, quelqu'un qui, parfois, est sans travail. C'est un salarié, presque tous ont une affectation, ont un métier. L'image même de la commune et des classes sociales telles que vous pouvez nous les donner dans la statistique des diverses catégories de communards recouvre à peu près exactement l'organisation des métiers de Paris. Par exemple, on trouve parmi les arrêtés 5458 employés du bâtiment ou journaliers du bâtiment, comme on disait alors. On trouve des employés au nombre de 2790. On trouve des gens travaillant dans le bois au nombre de 2791. Alors, il me semble que là, il s'agit non pas de ces métiers extrêmement modernes qui commencent à se créer à l'époque, comme la métallurgie, qui emploie parfois des masses d'ouvriers allant jusqu'à 2000, 3000 ouvriers, mais plutôt le petit atelier où il y a le patron et 3 ou 4 ouvriers. Il me semble que c'est plutôt dans ce genre de métier intermédiaire entre la vieille France, enfin la France traditionnelle et la France de l'avenir, qu'on trouve justement l'ensemble de ces communards qui se feront arrêter, qui se feront prendre au cours de la répression. C'est cela. Il était assez difficile de savoir, enfin très exactement, en faisant une espèce de catalogue par profession, qui avait participé à la commune. J'ai tenté de le faire assez approximativement, en multipliant quelques tableaux, enfin relativement arides. Et en somme, ce qui se dégage d'abord au fond, c'est que tout Paris, toutes les professions de Paris, que ce soit des professions de type ancien ou des professions de type nouveau, des professions de type artisanal ou des professions de type, enfin déjà prolétarien, au fond, le tout Paris a participé à l'insurrection. Oui, puisque donc, sur votre tableau, on trouve 1169 professions libérales, c'est-à-dire rentiers et négociants. Également, également. Et alors, au point de vue des ouvriers, nous sommes au fond dans une situation assez intermédiaire, parce que ce ne sont plus des artisans, si tant est qu'il n'y ait jamais eu de véritables artisans. Ce sont en majorité des ouvriers de petits métiers. Mais tout de même, au fond, les deux catégories les plus représentées, ce sont des ouvriers qui, au fond, n'ont rien à voir et n'ont déjà depuis longtemps plus rien à voir avec l'artisanat, les gens du bâtiment. Les gens du bâtiment représentent malgré tout une proportion très importante. Également, alors, c'est un métier de type plus moderne, les mécaniciens, les ouvriers de la métallurgie. Mais ce ne sont pas encore, à strictement parler, des prolétaires, comme on pourra employer le mot, à partir de 1880 ou de 1890. En réalité, même dans les industries métallurgiques auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, il y a quelques très grosses entreprises, et ce ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus donné dans l'insurrection. Mais il y a aussi encore une multitude de petites, de moyennes entreprises, ayant 10, 50, 100 ouvriers. 100 ouvriers, ça n'est pas encore très gros. Alors, ces ouvriers qui appartiennent au fond aux catégories les plus évoluées, eh bien, sont intermédiaires. Je sais bien que le mot est vague, je n'en ai pas trouvé d'autre. Enfin, intermédiaires entre l'ancien artisanat, le prolétariat à venir. Nous ne sommes pas, enfin, dans une situation où les mots artisans, prolétariat, soit vraiment bien utile. Nous sommes dans une espèce d'entre-deux. La classe ouvrière parisienne est en train d'assez considérablement évoluer. Et c'est précisément alors ce caractère, au fond, un peu incertain de cette classe ouvrière qui fait aussi le caractère assez incertain de la Commune et cette révolution charnière dont je parlais tout à l'heure. Après les effroyables massacres qui ont suivi la reprise de Paris par les troupes versaillaises, il faut dire d'ailleurs que ces jugements ont relativement fait preuve d'une certaine aménité, puisque 93 communards ont été condamnés à la peine de mort, dont 23 seulement ont été exécutés, 251 aux travaux forcés à vie ou à temps, 1169 à la déportation dans une enceinte fortifiée et 3417 à la déportation simple. Seulement, ce que vous soulignez aussi, c'est que presque tous ont été ensuite soumis à des mesures de contrôle. Maintenant, ne doit-on pas tenir compte du fait aussi que 21%, c'est un chiffre que Jacques Rougerie nous donne, 21% des 36 000 prisonniers étaient des repris de justice, donc ces classes dangereuses, une fois de plus, qui menaçaient la sécurité d'une grande ville comme Paris. Oui, 21%, ça paraît un chiffre assez considérable. C'est le chiffre qui est donné par les statistiques officielles de la justice militaire, mais il n'y a pas lieu, enfin, de le soumettre à la critique. Il est très probablement exact, et les dépouillements que j'ai fait moi-même des dossiers d'insurgés montrent qu'en effet, enfin, le nombre des gens ayant une première fois eu affaire à la justice pénale est assez important. Et bien entendu, cela compte pour beaucoup dans la gravité de la peine. On considère l'insurgé comme un récidiviste s'il a déjà un casier judiciaire. Faut-il attacher beaucoup d'importance à ce caractère, enfin, et dire, bon, la Commune est au fond une insurrection précisément de reprise de justice? Je ne crois pas. D'abord, la plupart du temps, il ne s'agit pas de crimes, si l'on peut dire, qui soient des crimes bien considérables. Mais tout de même, enfin, je crois qu'il faut insister sur ce point. Nous sommes au fond, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, un petit peu à la suite de ce Paris dangereux, de ce Paris des classes ouvrières dangereuses que Louis Chevalier a décrit pour la période de la monarchie de Juillet. Le crime, à ce moment-là, était présent dans la classe ouvrière. On a peut-être un peu forcé les choses, mais c'est malgré tout un phénomène certain. Incontestablement, je crois, enfin, à mesure que la situation se stabilisait dans la capitale, c'est-à-dire avec la période notamment du Second Empire, ce caractère a tendu à s'atténuer. Mais il n'en reste pas moins que il y a, pour une bonne partie, comme on peut le voir, des insurgés, des gens qui se sont trouvés à un moment ou un autre pour un petit vol. Ces petits vols qui sont commis le sont vers l'âge de 16-18 ans. Il y a une espèce de mauvais départ, un mauvais départ qui, dans quelques cas, peut entraîner à la criminalité totale, mais qui semble, à partir de la trentaine en général, enfin, se stabiliser. Ça n'est plus qu'un passé qu'on a oublié. Il y a une espèce, enfin, de phénomène assez curieux, de jeunesse relativement délinquante, mais qui, en fin de compte, n'a rien de particulièrement étonnant. Et une fois qu'on a vieilli, on s'intègre désormais à l'ordre social et on rentre, en quelque sorte, dans le droit chemin. Je crois donc qu'il ne faut pas attacher une importance trop grande à ce chiffre, évidemment, qui paraît malgré tout considérable. Henri Lefebvre vient de publier chez Gallimard, dans la fameuse collection « Les 30 journées qui ont fait la France », la proclamation de la Commune. Et dans son introduction, Henri Lefebvre nous dit qu'il a voulu, dans ce livre, faire œuvre d'historien sociologue. Un historien qui serait un sociologue, car au lieu de partir des faits, Henri Lefebvre part d'un cadre, d'une esquisse, une vision globale, les lois selon lesquelles Marx, dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, a vu l'évolution de la société française au XIXe siècle. En gros, disons que, selon Marx, les révoltes romantiques, 1830-1848, succédant à la Révolution française, ont établi, sur les ruines du monde de caste de l'Ancien Régime, la supériorité de puissance industrielle et capitaliste. Mais cette supériorité est relative, car elle dépend du bon vouloir d'un monde du travail, d'un monde ouvrier qui peut contrôler ce pouvoir de la bourgeoisie et même orienter dans un autre sens l'évolution industrielle. La République conservatrice de Louis-Napoléon, puis l'Empire, crée un État autoritaire et indépendant qui, tant bien que mal, va maintenir pendant une vingtaine d'années un équilibre entre ces forces d'en haut, bourgeoises, et les forces d'en bas, prolétariennes. La guerre de 70, la chute de l'Empire, le siège, la résistance de Paris devant les Prussiens, la passivité du territoire devant les conditions d'armistice, tout cela va créer dans Paris une situation historique inédite. Marx, pour qui la Commune est un fait historique avant-coureur des grands desseins, Marx dira « la Commune, c'est la dictature du prolétariat ». Et Hugo, ce peuple de Paris veut fonder aujourd'hui la vérité politique, la vérité sociale, fonder la démocratie, fonder la France. Tel est donc le schéma marxiste utilisé par Henri Lefebvre, schéma qui a tout son développement puisque les moyens d'action et de centralisation du pouvoir gouvernemental passent en 1871 des fonctionnaires de l'Empire aux électeurs des communes. L'État n'est plus une organisation politique, il devient social. Ce schéma, d'ailleurs, Henri Lefebvre le nuance, le ramène au concret sans cesse dans ce livre de 500 pages, en tenant compte des hasards qui transforment la pensée dialectique de l'histoire en une activité historique et en une succession de grands symboles. Ce livre est généreux, il est perspicace, il est profondément évocateur de la vie de la Commune et d'un bout à l'autre passionnant. Il pose bien des questions, et ces questions, maintenant, j'aimerais les poser à Henri Lefebvre. Eh bien, le premier point, la première question qui vient à l'esprit, c'est évidemment la structure même du livre. D'une part, cette rationalisation de l'histoire, quand même extrêmement précise, que j'ai schématisée comme j'ai pu, et en même temps, le fait que vous insistiez constamment, à l'occasion du 18 mars, à l'occasion du 26 mars de la proclamation de la Commune, sur la spontanéité des faits, sur le surgissement inédit d'un phénomène qui pour vous est une sorte de fête, de cérémonie sacrée. Qu'est-ce donc que la Commune ? On sait que c'est une citation de Marx, la citation complète est la suivante. Qu'est-ce donc que la Commune, ce sphinx qui tarabuste si fort l'entendement bourgeois ? Eh bien, cette question, qu'est-ce que la Commune ? Nous voudrions la poser à Emmanuel Berle, qui a consacré une partie importante de 100 ans d'histoire de France à la Commune, à Adrien Dansette de l'Institut qui a publié en 1944 « Les origines de la Commune » de 1871, à Jacques Rougerie et à Philippe Vigier. Je crois que le caractère même de la Commune, c'est à la fois l'unanimité de Paris, puisque si on prend les premières élections, on a 21 opposants sur les 90 élus. Donc une majorité très franche, très large, et en même temps peu de doctrine. C'est assez inconciliable et la Commune, lorsqu'on voit cela d'assez loin, nous semble une foule anonyme, la foule de Paris. Qu'en pense Jacques Rougerie ? Il n'y a pas de doctrine du Parti républicain, oui et non. Il n'y a pas de doctrine au moment du 18 mars parce qu'il n'y en a pas besoin. La Commune, c'est d'abord une déception patriotique et puis c'est un sursaut de Paris, Paris qui a toujours fait les révolutions, qui a toujours conduit la France et jusqu'à présent toujours réussi ces révolutions et les a imposées à la province. Or, précisément à propos de cette assemblée rurale qui vient d'être élue le 8 février, le conflit qui se produit entre Paris et la province, entre Paris et l'assemblée, porte sur la question de la République. n'est-ce pas ? On est passé, en somme, de la lutte à outrance pendant la guerre contre le Prussien à désormais la lutte à outrance pour la République. Mais n'y a-t-il pas eu aussi une lutte pour et contre l'armistice ? Puisque finalement l'armistice a été accepté par cette assemblée de Bordeaux, et quelle a été la réaction à Paris en face des conditions d'armistice? Eh bien, elle a été assez indécise. Bien sûr, on a immédiatement détesté l'idée de cet armistice. On a même songé à une espèce d'insurrection de la population parisienne contre le Prussien. On voulait empêcher le Prussien de rentrer dans Paris par la force, ce qui eût été une équipée un peu imprudente. La sagesse, finalement, a prévalu. On s'est contenté de quelques manifestations anti-prussiennes, et peu à peu, alors, ce thème n'a plus eu grand poids, sauf le sentiment de l'humiliation. Enfin, ce thème de la lutte à outrance s'est transféré sur la défense de la République. En ce qui concerne la République, il y a un témoignage qui me semble du plus haut intérêt, c'est le témoignage de Thiers, n'est-ce pas ? Thiers, devant la commission d'enquête qui a siégé après les événements, Thiers a souligné, à l'étonnement d'ailleurs de la plupart des commissaires qui étaient imprégnés de l'esprit versaillais, c'est-à-dire qui considéraient que la Commune était une entreprise de bandits, eh bien Thiers a souligné combien cette crainte de voir la République anéantie avait eu de l'importance. Il a insisté sur deux causes, nous revenons à ce que vous disiez tout à l'heure, la crainte de voir la République détruite et l'occupation de Paris par les Allemands, toute temporaire qu'elle ait eu lieu. Par conséquent, je suis absolument de l'avis qu'émettait M. Rougerie. Alors, la République, au point de départ, chacun savait ce que c'était. Tout a été de savoir, une fois que le peuple de Paris s'est trouvé maître de sa capitale, un peu au fond par la pure et simple désertion du gouvernement qui est parti le soir du 18 mars, le tout a été de savoir ce qu'on allait faire de cette situation, comment on allait se gouverner. C'est alors que les différentes doctrines, malgré tout, ont réapparu. On a vu au sein de ce parti républicain toutes les tendances qui s'étaient déjà largement dessinées au cours du Second Empire. Alors bien sûr, la plus organisée, la mieux structurée, c'est celle des blanquistes, ce tout petit groupe de blanquistes sans blanquis à cette époque, qui au fond sont les révolutionnaires professionnels de ce temps, les techniciens du coup de main, et qui vont être amenés, bien entendu, à jouer un rôle d'activiste assez important pendant la Révolution parisienne. Puis il y avait les proudhoniens, ou les gens de tendance proudhonienne. Mais en fin de compte, je crois que ce qui dominait, surtout dans l'ensemble de la population parisienne, chez tous les chefs ou chez tous les militants révolutionnaires, au fond, c'était le souvenir de la Grande Révolution, le souvenir jacobin, ou pour le peuple, enfin, les souvenirs sans culotte des Grandes Révolutions 92-93. Et précisément, on retrouvait les mêmes thèmes de lutte pour la défense de la patrie, 92, et de lutte pour la défense de la République, 93. Maintenant, peut-on dire que chez les blanquistes, il y avait une doctrine politique bien nette qui permettait de gouverner un État, ou même simplement, puisque au départ c'était la revendication, puisque le gouvernement n'était pas à Paris, il fallait à tout prix défendre cette ville qui risquait d'être gouvernée ou de Bordeaux ou de Versailles. Je crois que c'est ainsi que la réaction spontanée de Paris s'est produite, en voyant que Paris risquait d'être disqualifié dans la vie profonde de l'État. Pour les blanquistes, le problème du lendemain de la prise du pouvoir ne se pose guère. C'est la question de la prise du pouvoir qui oui, est fondamentale. Ils sont plutôt pour tout ce qui est contre. Enfin, ils sont contre l'Église, contre la bourgeoisie, contre l'appareil de l'État. Mais en même temps, il n'y a rien de positif qui se dégage de tout cela. Philippe Figier. Oui, et même l'idée de commune ne semble pas particulièrement convenir à la doctrine blanquiste, dans la mesure où il y en a une. Car il y a une ambiguïté, n'est-ce pas, sur ce terme de commune. Pour les uns, la commune doit impliquer une prise du pouvoir par une minorité révolutionnaire qui imposera sa volonté à la France, comme le comité de salut public a imposé sa volonté à la France en 1793. Pour d'autres, au contraire, et là nous sommes dans le droit fil de la pensée proudhonienne, il s'agit de communes autonomes à travers toute la France, aboutissant à un pourrissement progressif de l'État, et même une négation de l'État très rapide. Mais est-ce l'État véritablement, ou est-ce simplement le préfet de la Seine, le préfet de police, enfin toute une organisation municipale qui semblait contraignante sous le Second Empire, et qu'on veut supprimer pour lui substituer un conseil, et en particulier des conseils d'arrondissement qui tiendront compte de la vie locale, de l'autodétermination de la ville? Mais là, c'est tout à fait la doctrine sans culotte telle qu'elle a existé en 1793. Hein. N'est-ce pas, il y a toutes sortes de stratifications là-dessus. Il y a certainement une valeur sacrée en France sur le mot « commune ». Elle est non seulement en 93, mais elle est avec la fête de la Fédération. La France s'est longtemps considérée elle-même comme un conglomérat de communes. Ça vient, je crois, du Moyen-Âge. Alors, naturellement, il y a eu la Commune de Paris, la Commune révolutionnaire de Pache, qui a changé ce sens. Maintenant, cette histoire de pourrissement, de dépérissement de l'État, qui est au fond du livre de Lefebvre, évidemment, c'est assez amphibologique, parce que pour que l'État aboutisse à son propre dépérissement, il faut qu'il soit très fort. Et une fois qu'il est très fort, on peut craindre que le pouvoir institué ne veuille pas dépérir. Alors, comme nous n'avons aucune expérience de ce dépérissement volontaire de l'État, nous avons beaucoup d'expériences d'États qui ont dépéri. Mais ils n'ont jamais fait exprès. Je crois qu'il faut insister sur ce mythe de Paris qui s'est développé au cours du XIXe siècle. Paris, à l'époque, depuis la Révolution, c'est Paris qui conduit la politique de la France. C'est surtout Paris qui a fait la Grande Révolution. C'est Paris qui fait la Révolution de 1830. C'est Paris qui fait la Révolution de 1848. Et c'est Paris qui va faire la Commune. Oui, seulement je crois que la domination de Paris était antérieure à la Révolution. Je crois même, si je me rappelle ce que dit Tocqueville, que c'est précisément cette suprématie de Paris qui a permis la Révolution française. Et naturellement que ça existe. Moi, je me rappelle que Sacha Guitry disait « Nous autres qui ne sommes pas français mais parisiens ». Et remarquez que la Commune est intervenue après une période où le régime a été en bonne partie imposé par les campagnes. Enfin, le Second Empire est un régime qui a gouverné. Ah, il n'y a pas de doute, c'est un régime de rue. Et ce qui explique justement... Paris a besoin d'une revanche. Remarquez, il y a eu tout de même quelques mouvements communards en province. Il y a eu tout de même la Commune de Marseille, la Commune de Lyon. Oui. Chacune des grandes villes a fait sa petite commune. C'est cela, ce qui prouve tout de même qu'il n'y a tout de même pas l'opposition totale entre Paris et la province qui doit être mise au pas. C'est pas ça, la province. La province, c'est les campagnes, c'est, n'est-ce pas ? Il y a tout de même aussi des campagnes qui sont un peu socialistes. Ah oui, oui, oui. Vous le savez. Ah, il y a eu d'ailleurs, à l'époque, n'est-ce pas, de 1870-1971, il y a eu tout de même des projets de fédération, comme par exemple la Ligue du Midi, qui est mal connue, et qui est un projet vraiment très curieux de décentralisation, de gouvernement en bonne partie autonome. Elle s'est d'ailleurs heurtée très violemment à Gambetta, qui incarnait le jacobinisme radical centralisateur. Il y a tout le thème de la décentralisation et de la centralisation, sur lesquels d'ailleurs les communards se sont opposés très violemment. Bien sûr. Alors, je crois que l'idéologie qui peut servir de base à tout cela, qui a servi de base à cette confédération de communes qui est au départ de la proclamation, c'est quand même quelque chose de très mêlé. Si nous prenons la doctrine chez Proudhon, qu'est-ce que la commune ? C'est finalement un ensemble de familles. Et il faut que les villes deviennent des communes pour essayer de retrouver une sorte d'assise qui est finalement une assise presque rurale. Parce que chaque arrondissement forme un quartier, chaque quartier forme lui-même un petit village. Et il faut avoir cette espèce d'émiettement, de pulvérisation pour que la vie soit réelle et que ce ne soit pas une vie politique plaquée de l'extérieur. Oui, c'est tout l'aspect réactionnaire de la commune. Si j'ose dire. Oui, mais l'histoire, elle nous dit que Paris se trouve alors dans une situation tout à fait particulière parce qu'il a subi le siège alors que les autres villes ne l'ont pas subi. Et il y a dans Paris une certaine exaltation patriotique que Lefebvre oublie complètement, dont il ne veut tenir aucun compte. Mais nous sommes tous un peu partiaux avec la Commune. Tout le monde déteste les Versaillais, tout le monde aime par là même les communards, même ceux qui, le cas échéant, recommenceraient ce qu'ont fait les Versaillais. J'ai toujours entendu, depuis que je suis tout petit, dire du mal de Thiers et des Versaillais. Donc, je n'ai pas du tout l'intention de les défendre. Si on accuse le gouvernement de défense nationale d'avoir opéré un détournement de patriotisme au profit d'une politique purement bourgeoise de paix avec l'Allemagne et de sauvegarde des privilèges acquis, on peut tout de même se demander si la Commune n'a pas été dans une très large mesure un détournement de ce même patriotisme au service d'idéologies socialisantes ou fédéralisantes ou tout ce qu'on voudra, qui, dans le fond de la population à l'époque, avait tout de même beaucoup moins d'importance que la question de la patrie, de la défense contre les Allemands, de l'honneur de la France par rapport à la Prusse, etc. Je me demande si, dans tout le débat que nous avons eu jusqu'à présent, nous ne faisons pas au facteur idéologique une part beaucoup trop importante. Je crois que la Commune a été le produit des événements, d'un concours de circonstances tout à fait exceptionnel, beaucoup plus que de toutes ces idéologies qui n'intéressaient qu'une petite élite parmi les communards. Oh, mais c'est certain. Bien entendu que la Commune est en grande partie le résultat de la souffrance, peut-on dire, patriotique éprouvée par le peuple de Paris. Mais enfin, tout de même, voyons les faits. Il y a les élections à l'Assemblée nationale. Lors des élections à l'Assemblée nationale, il y a à Paris 5 listes extrémistes. Sur ces 5 listes extrémistes, on ne trouve que dans le programme de l'une d'elles la reprise de la lutte contre les Allemands. Je remonte un peu en arrière, au cours du siège de Paris. Le général Trochu a à sa disposition 350 000 hommes de la garde nationale. À un moment donné, je ne me souviens plus la date, mais peu importe, nous sommes dans une période où se forme l'esprit de la Commune. Il veut créer des compagnies d'élite. Savez-vous combien il y a de volontaires pour ces compagnies d'élite? Sur ces 350 000 hommes, 6 500. Par conséquent, il y a tout de même, dans ce patriotisme exacerbé, il y a une part de verbalisme. En réalité, tout ça, c'est le fruit d'une situation exceptionnelle, de cette fièvre obsidionale, des souffrances du siège, beaucoup plus que des idéologies. Non, ce que je voulais marquer, parce qu'il faut tout de même être juste, c'est qu'après avoir accablé Trochu, avoir dit que Trochu vient du verbe trochoir, ce que disait Victor Hugo. Participe passé du verbe trochoir. Parce qu'il trouve 6500 volontaires sur 350 000 hommes. Quand au nom de la Commune, Rossel demande 12 000 volontaires, eh bien, il en a vu aussi, je crois, que 800 ou 900. D'ailleurs, les Versaillais sont entrés dans Paris sans aucune résistance, puisqu'ils sont allés au Trocadéro avant même de livrer un combat. Une faute d'organisation. Maintenant, il faut dire aussi que la Commune, une des premières, enfin, nous allons peut-être un peu parler des œuvres de la Commune, enfin, de son activité, de son aspect positif. Un des premiers actes de la Commune a été, je crois, et là, j'aimerais demander l'avis à Jacques Rougerie, de supprimer la conscription. C'est ça, au nom du principe de la conscription universelle, de l'armée de tout un peuple soulevé. Et si on fait le bilan de ce que la Commune a réalisé, on s'aperçoit qu'au fond, elle a simplement anticipé sur beaucoup de choses que la Troisième République fera tout simplement sur un temps beaucoup plus long, bien entendu. En somme, dans ce programme, il y a abolition des armées permanentes, de l'armée de métier et passage au service militaire universel et populaire. Il y a l'impôt sur le revenu, il y a, c'est le thème peut-être le plus important, il y a l'instruction gratuite, laïque et obligatoire. Mais est-ce que c'était pas déjà chez Danton? Ce qui est peut-être assez caractéristique de la Commune, c'est quand même cet aspect de démocratie vivante, en ce sens que toutes les corporations de métiers peuvent déposer des pétitions, réclamer des choses extrêmement précises. Il y a l'exemple que Marx donne des compagnons boulangers qui travaillaient la nuit, qui demandent à ne plus travailler la nuit. Je crois que cette décision de la Commune, ensuite, a été suivie par tous les gouvernements qui... Malheureusement, je crois qu'elle n'a pas été appliquée. Voilà. Non. Ce qui montre d'ailleurs tout de même cet aspect très particulier de la Commune. Mais ça, est-ce que c'était pas une vieille revendication qui existait aussi en 48? Mais bien sûr. Si. On retrouve d'ailleurs bien des choses de 48, à commencer par l'esprit, qui à mon avis est encore très 48-art, romantique. Et c'est d'ailleurs pour cela que les décrets, évidemment, ont été pris dans une atmosphère assez particulière, exactement comme en mars-avril 48. Il faudrait voir dans quelle mesure ils ont été appliqués, mais là, il est bien difficile aussi de jeter la pierre aux communards. Oh, bien sûr. Étant donné que dès le début d'avril, ils ne pensaient plus qu'à une chose, c'était à essayer de résister aux Versaillais. Non, moi j'ai, n'est-ce pas, contre la Commune, contre les communards, un grief que Lefebvre, lui, considère comme une marque de supériorité, c'est qu'il n'en soit sorti personne. Ça, c'est que le maximum qu'on a, c'est en littérature du Vallès. Et puis, en politique, qu'est-ce qu'on a eu de... Il est sorti de là, le maximum, c'est Longuet. Édouard Vaillant. Oui, mais c'est pas... C'est pas enfin, évidemment... Toute, toute la génération des socialistes... Oui, oui, Guedes lui-même... Par la suite, a été profondément marqué par la Commune. Oui, ah, je me demande si votre immédiatement. Approche n'est pas juste. Il faut penser à la répression. Il faut penser aux fusillés. Quelqu'un comme Varlin, combien, par exemple. 15, 20 000, on a quelqu'un, je crois que c'est Pelletan, après même prétendu qu'il y en avait 35 000. Enfin, même s'il y en a 20 000, c'était... Ah oh, oui, mais ça il faut penser, il faut penser à ceux qui sont partis au bagne, n'est-ce pas? Ah, il y a eu un massacre des élites ouvrières, tout de même. Ah, bien entendu, non, ça c'est très important. Ça a été fait exprès. Jacques Rougerie nous parlait tout à l'heure de l'œuvre sociale de la Commune, et quand on voit cela dans le détail, on s'aperçoit que les mesures qui ont été prises ont été des mesures très locales, très précises, et en général assez timides à l'égard de la propriété. On n'assiste pratiquement à aucun décret de réquisition, sauf les ateliers qui étaient vacants, qui ont été mis à la disposition des ouvriers en chômage. Ça, et ça, c'est la vieille idée de la gestion coopérative des ateliers. Alors, on profite de leurs vacances, du départ du patron, sans aucune hostilité, d'ailleurs, à l'égard de ce patron, pour faire une espèce d'expérience de gestion. Et en prévoyant même des indemnités, ce qui est très significatif. Seulement, ce qui me paraît aussi important, c'est le côté charitable de l'organisation sociale. Alors, les œuvres sont inexistantes, mais en revanche, le travailleur a l'impression qu'il compte dans ce monde qui se crée, qu'il peut toujours aller déposer une pétition au conseil municipal et que cette pétition sera considérée, ce ne sera pas le frère inférieur. Mais ça, je crois que c'est indiscutable. La Commune répond à un effondrement de l'État, et à l'effondrement de l'État répond tout de même un sentiment accru de dignité personnelle, d'existence chez les travailleurs parisiens. C'est l'idée du gouvernement direct. C'est le gouvernement direct, c'est absolument classique. Oui, c'est l'idée sans culotte, on y revient toujours. C'est, ça, alors, c'est l'idée de 48 aussi. Oui, oui. Alors, ou bien c'est sans culotte d'une part, ou bien ça sera au fond ce que Marx transfigure par la suite en idée de gouvernement du peuple par le peuple et d'abolition de l'État. Maintenant, naturellement, l'idée commune a toujours cette espèce d'amphibologie. Vous croyez, quand j'étais pendant la guerre en Corrèze, j'ai rencontré des paysannes qui me disaient « Nous, on est communistes ». Et je leur demandais « Vous savez très bien, mais pourquoi ?» Et elles répondaient « Parce qu'on est pour la Commune ». Et elles croyaient que le communisme, ça voulait dire que Saint-Chamond se gouvernerait lui-même sans être embêté par le préfet de Tulle ou par le sous-préfet de Brive. Pas de réglementation extérieure dans la vie des travailleurs. L'idée que l'intervention de l'État doit être nulle dans tout ce domaine professionnel et que l'État, ou plutôt une organisation spontanée, doit vous apporter une certaine protection dans le domaine social. Mais moi, je crois que, en France en tout cas, l'idée de fraternité est liée à l'idée de commune. Parce que... la fraternité, c'est quand on dépasse la famille et quand on est quand même dans un milieu social structuré. Par conséquent, c'est bien la ville, le village qui devient la cellule sociale et au lieu de la famille d'une part et de l'État de l'autre. Pour terminer ce débat, Jacques Rougerie pourrait nous donner une idée de toutes les divisions qui ont pu se produire à l'intérieur du conseil municipal avec ces démissions successives qui font que la majorité communarde qui se trouvait au départ très confortable, très large, comme nous le disions en commençant, s'est effritée peu à peu. Au départ, il y avait unanimité, incontestablement. Et les divisions sont apparues, au fond, elles sont assez intéressantes, à partir du moment où il a fallu se défendre contre Versailles. Alors là, il y a eu deux positions que souvent, enfin, on simplifie beaucoup en disant l'une est proudhonienne, l'autre est jacobine. En fait, il y avait ceux qui étaient les révolutionnaires tournés vers le passé, ceux qui étaient tournés vers 93, alors ceux qui ont réinventé le terme de salut public et de comité de salut public. Et au fond, en 1871, ça n'était que pur et simple verbiage. Ils n'avaient aucune idée politique précise. Et alors, les débats de la Commune, à travers eux, à travers un Félix Piat, par exemple, se sont perdus dans le verbalisme révolutionnaire, tout simplement. Puis alors, il y avait les autres, ceux qu'on a appelés la minorité, qu'on qualifie souvent de proudhoniens, pour qui, alors, cette idée du gouvernement direct révolutionnaire devait être maintenue, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de dictature de quelques hommes qui, visiblement, seraient inefficaces, il y aurait une dictature de la Commune tout entière, il ne faudrait pas croire que les pseudo-proudhonien de la Commune était opposé à cette idée de dictature. Mais il voulait que ce soit, une fois de plus, le gouvernement direct du peuple par le peuple. C'était d'ailleurs aussi utopique que l'autre position, étant donné qu'à partir du 2 avril, dès que les hostilités ont été commencées avec Versailles, il était impossible à Paris de gagner dans cette lutte qui était évidemment disproportionnée. Alors, en fait, autour de ce problème, comité de salut public ou pas comité de salut public, évidemment, sont intervenues des discussions qui ont été très longues, qui ont été extrêmement confuses, qui ont été extrêmement fâcheuses, et alors qui, finalement, ont scindé la Commune brutalement en deux, à quoi s'ajoutaient, bien entendu, d'innombrables querelles de personnes, d'hostilité, de rivalité personnelle qui ont été très importantes dans cette Commune, si bien qu'à la lecture, au fond, des procès-verbaux de l'Assemblée communale, on a un sentiment, enfin, de pagaille, de découragement, enfin... Mais vous ne pensez pas que une des grandes raisons de ce que vous dites est qu'on part le 18 mars pour se battre et puis qu'on ne se bat pas? On est parti le 18 mars dans l'enthousiasme le plus complet. Enfin, rien n'existait. C'est ça, oui, c'est l'enthousiasme. Mais on devait normalement aller sur Versailles. Et il n'y avait rien. En bonne stratégie révolutionnaire, certainement, il aurait fallu marcher sur Versailles. Mais à quoi est-ce que cela aurait mené, étant donné tout de même les résistances de l'armée, incontestablement, les résistances appuyées sur la campagne, les résistances de partis qui ne voulaient pas. Oui, et puis c'était peut-être contraire aussi à l'idée profonde de ces gens-là, qui étaient des gens de leur quartier, qui pensaient surtout à Et justement, dans votre petit livre, Rougerie, j'ai beaucoup apprécié, lorsque vous avez parlé, peut-être qu'on avance un petit peu ce qu'on dira tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de la fin des communards qui revenaient mourir sur la barricade édifiée dans leur quartier. Autrement dit, il y a là tout de même un patriotisme de quartier qui, évidemment, rendait difficile une vision beaucoup plus générale et une marche sur Versailles. Maintenant, ne voyez-vous pas qu'il y avait au départ, pour ce 18 mars, puisque nous revenons au 18 mars, l'idée que Paris ferait ce qu'il voudrait dans la France, puisque les soldats ont mis crosse en l'air tout de suite et ne se sont pas opposés au mouvement de révolution, au mouvement de révolte parisienne au moment de la prise des canons. Ça donc paraissait évident. L'armée pouvait leur sembler entièrement acquise. Ça paraissait évident, alors chacun allait faire ses affaires, et Paris en particulier allait donner l'exemple, et pacifiquement, allait donner l'exemple à la France, et la France suivrait. Si on regarde les premiers jours se passent dans une fête, des cérémonies constantes. C'est le point sur lequel Lefebvre... Ça, Lefebvre a raison, là, oui. Une joie, une explosion de joie au moment de la Commune, c'est une libération. Mais c'est comme au moment de toutes les révolutions, c'est la fête. Et c'est là que vous aviez raison. Toutes les fois qu'il y a effondrement de l'État. Et ils ont été très stupéfaits quand ils ont vu le 2 avril les premiers contingents versaillais attaqués au canon. Enfin, ça leur paraissait quelque chose de tout à fait inattendu. Ah oui, ce qui me paraît curieux d'ailleurs, c'est qu'ils ne seraient pas rappelés des journées de juin 48. Car enfin, il y a eu tout de même un moment où... Et puis ils se le rappellent bien, puisque tout de même ils ont tué le général Lecomte à cause de ce souvenir. C'est donc qu'ils n'avaient pas perdu complètement, n'est-ce pas? Dans des moments ceux-là, on se moque pas mal de l'expérience du passé. On ne cherche pas les leçons de l'histoire. Il y a quand même eu, depuis 1948, l'Internationale fondée en 1864. Quels sont les rapports qui ont existé entre l'Internationale et la Commune? Il y avait des internationaux dans la Commune. Les internationaux sont certainement les gens, les militants, ouvriers les plus intéressants de cette période-là, les plus évolués. Ils ont créé des syndicats à la fin de l'Empire. Seulement, l'Internationale se trouve dans cette situation que d'abord, au moment du 18 mars, elle est extrêmement affaiblie. Elle est affaiblie par la répression de la fin de l'Empire, par la dispersion des syndicats. Les ouvriers se sont dispersés maintenant dans la garde nationale. En outre, par une scission qui s'est produite dans la Fédération parisienne. Il n'y a plus grand-chose au sein de cette Internationale. Mais la doctrine de l'Internationale à l'époque, est-ce déjà la doctrine marxiste? Non, certainement pas. Non, je crois que c'est une espèce de syndicalisme que j'ai appelé un petit peu vite, moi, peut-être syndicalisme révolutionnaire. Enfin, c'est la naissance des syndicats dans la France de la fin de l'Empire qui est l'événement peut-être le plus important. Et en fait, d'ailleurs, la Commune va entraîner une brisure, une cassure, puisque tout ce premier mouvement syndical va être liquidé et mettra, enfin, une dizaine ou peut-être une vingtaine d'années à se remettre. Oui, ça a été vraiment le drame, d'ailleurs. Oui. Alors ensuite, les internationaux sont entrés dans la Commune, ont participé à la Commune, ils ne pouvaient pas faire autrement, ils étaient d'authentiques révolutionnaires. Alors ils n'y ont pas joué un rôle dominant parce que le devant de la scène a été occupé par les anciens jacobins ou par les blanquistes. Et tous les internationaux se sont retrouvés dans cette fameuse minorité dont nous parlions tout à l'heure. Enfin, les uns disaient dictature et les autres disaient prolétariat, mais aucun n'a dit dictature du prolétariat. Non, ça c'est précisément Marx, parce qu'il y avait des clans extrêmement tranchés, puisque les jacobins étaient dictateurs et que les syndicalistes, tous les mouvements ouvriers rattachés à l'International, étaient plutôt des mouvements libertaires pensant que les ouvriers devaient s'organiser eux-mêmes. Mais ça, c'est même, Ça s'est même retrouvé dans la guerre d'Espagne. Je crois que Monsieur Rougerie vient de dire quelque chose de très important. En rappelant la naissance de ce mouvement syndical à la fin de l'Empire, qui a été, a-t-il dit, brisé par la Commune, n'est-ce pas ? Nous touchons là un point que nous ne pouvons pas ne pas aborder, je crois. La Commune, Monsieur Lefebvre, considère dans son livre qu'elle est un succès. Entendons-nous ? Oui. Entendons-nous ? Elle se termine par l'effroyable répression que nous savons, et puis... Eh bien, la Commune va payer, et tous les partisans de la Commune, tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se rattachent aux idéologies qui ont fait la Commune, et tous ces hommes-là vont être des vaincus pendant 10 ans, pendant 20 ans. Il n'y a plus de mouvement social, il n'y a plus rien. Nous entrons dans une période de conservation pleine, monstrueuse, n'est-ce pas, qui va durer... Peut-on dire une vingtaine d'années, malgré la loi de 1884 sur les syndicats ? La Commune a été un désastre pour la gauche française, épouvantable. Oui. En effet, on a tué les gens qui... Ce que disait Dansette était tout à fait vrai. Il est possible que parmi les tués, il y ait eu des hommes qui auraient hâté vraiment l'évolution de la France dans un sens non seulement de justice sociale, mais de production économique. Il y a tout de même un aspect positif, c'est qu'à partir du moment où le danger de république rouge, de république d'extrême-gauche a disparu, il y a pu y avoir une république à laquelle se sont ralliés d'anciens orléanistes comme Thiers, puisque, étant donné que toute la branche extrême-gauche avait disparu, elle ne risquait pas de dévier. Ah oui, mais moi je suis très sévère pour le gouvernement de la Troisième République dans ses débuts. Alors je trouve que c'est le Second Empire moins les qualités. Ah, il fallait bien faire la République. Alors, on a fait une République, monstrueusement conservatrice, qui ne voulait pas même faire de travaux publics en France, parce qu'elle voulait uniquement faire des emprunts. Le désastre de tout ce qui était construction nationale, que des pérères, si vous voulez, le triomphe des banquiers qui ne voulaient pas faire d'industrie. Oui, mais je crois que la Troisième République n'a pas été possible sans cet échec. Pense-la. Et elle a évolué tout de même progressivement. On a pu, à l'intérieur de ces cadres initialement très conservateurs, voire crypto-royalistes, on a progressivement évoluer vers une République. Oui, bien sûr, après, peu à peu. Et n'oubliez pas que la conjoncture économique était tout de même beaucoup moins favorable pour cette histoire d'emprunt, n'est-ce pas, à l'époque de 1880, qu'à l'époque du Second Empire. Son caractère, sa sensibilité explique la place que tint Lucien Descaves lors de ses débuts dans le naturalisme dont il se réclamait. Il était cependant réfractaire à toute école. Il publia alors une vieille gratte, la teigne sous off, qui lui valurent de retentissantes poursuites. Une tendance, toute différence de sa nature, ne tarda pas à le détourner de ce naturalisme bien-aimé. Il en vint même à signer avec Rony, Paul Marguerite, Paul Bonnetin et Gustave Guiche le fameux manifeste, dit Manifeste des Saints, qui disait avec quelque rudesse son fait à Émile Zola, qui venait de publier La Terre. Péché de jeunesse, a-t-il avoué et reconnu lui-même plus tard, car il ne fut pas le dernier à reconnaître la grandeur de l'auteur de Germinal. Et puis je crois qu'il y avait en lui une sensibilité altruiste, une imagination de sympathie et de réconfort, une pensée qui voyait le bien à côté du mal. Et puis, il avait une culture qu'il portait vers le romantisme. Il avait été ce petit garçon qui entendait sa mère aux veillées d'hiver lire à haute voix Les Misérables de Victor Hugo. On ne s'est pas étonné lorsqu'il composa, dans cette coulée si l'on peut dire, un livre tout plein d'un amour rétrospectif sur la vie douloureuse de Marceline Desbordes-Valmore. C'est tout ce comportement composite qui l'amena sans aucun doute à se passionner pour la Commune. Car pour demeurer dans les limites de notre propos, nous écarterons bien d'autres œuvres de Lucien Descaves. Je peux dire que j'ai été élevé dans l'atmosphère de la Commune, dont l'évocation au début de ce siècle et jusqu'à la guerre de 1914 faisait l'objet de débats passionnés, selon que l'on fût pour ou contre ce mouvement populaire. Non seulement l'événement avait marqué Lucien Descaves, bien qu'il n'eût à l'époque que 10 ans, il était né à Paris le 18 mars 61, 10 jours, jour pour jour, avant cette révolte qui allait être célèbre de cette autre résistance parisienne. Mais il était entré en relation avec ses survivants au cours d'un voyage en Suisse où de nombreux proscrits s'étaient réfugiés, à Genève et à Lausanne. Slom, Massol, l'ami du célèbre docteur Verdun, Maxime Vuillaume, l'auteur de mes cahiers rouges, que devait publier Charles Péguy, devinrent ses amis, ses familiers. Mais c'est Louise Michel, l'ancienne institutrice, la Vierge Rouge, rencontrée chez son éditeur P.V. Stock, qui l'incita à écrire un livre, un vrai livre, un roman, un ouvrage, enfin, sur les insurgés de 1871. Cette commune ne l'avait-il pas d'ailleurs vécu, mais en gamin de Paris, en gamin de 10 ans, de son Montrouge natal à Belleville, où habitaient de proches parents. Un hasard heureux, la rencontre avec Louise Michel, des encouragements, des confidences prises vraiment à chaud, ont voulu qu'il rencontrât sur son chemin des aspects de la souffrance humaine qui étaient d'une vérité concrète bien déterminée, lourde et accablante de vérité. Et il y avait comme une surexcitation du cœur en faveur d'être malheureux. Il se pencha donc sur son travail avec les applications d'un chercheur de documents, héritage naturel, si l'on peut ainsi s'exprimer, du naturalisme. Lentement se forma son roman intitulé « La colonne », qui rassemble les circonstances dans lesquelles le gouvernement de la commune a fait abattre la colonne Vendôme. Un seul article, « La colonne de la place Vendôme » sera démolie. Le livre est ainsi dédié à la descendance des héros de la commune, dont la gloire est d'avoir jeté bas le mât de cocagne impérial, les hommes de bronze qui montent après, et le César qui excite leur émulation. Je dédie cet encouragement à recommencer. Et en exergue cette pensée d'Élisée Reclus. Il n'est pas en ce siècle de signe des temps qui ait une signification plus imposante que le renversement de la commune impériale sur sa couche de fumier. La colonne est donc l'histoire passionnante de ce gouvernement de la commune, mais elle est considérée du point de vue de divers hôtes de l'hôtel des Invalides. Invalides naïfs, qui vivaient encore sur les souvenirs du premier et même surtout du Second Empire. Ils ont formé le projet, en effet, utopique, irréalisable, de s'opposer à l'opération de démolition, parce que pour eux, elle est une honte, un sacrilège. L'âme du roman vit dans un groupe de petites gens, nettement marqués, un groupe perdu dans la population, et pourtant bien défini et malheureux, humble, très humble comparse de l'histoire, peint dans leur vie quotidienne, quoiqu'en des moments émouvants qui mêlent, entremêlent grands événements et petites préoccupations. Jamais d'ailleurs, ce groupe ne détruit l'individu. Ces invalides révoltés, ce sont bien des individus qui subissent un destin, ballottés dans de frêles barques sur l'océan du malheur. C'est là le côté humain de l'ouvrage. Mais quelle disproportion entre ce petit groupe protestataire d'une naïveté navrante et cette formidable poussée d'une masse très puissante dans sa tragédie, avec ses idéaux, ses soupçons, ses peurs, quelquefois hélas ses haines et ses destructions. Vous allez entendre extrait de la colonne un passage du livre. Le 16 mai 1871, au matin, 60e jour de son existence, la commune était moribonde et délirée. Le 16 mai après-midi, dans un effort pour se lever, écrit l'auteur, elle flanquait par terre la colonne de la place Vendôme, comme fait d'un bougeoir à portée de sa main sur la table de nuit en malade agité. Voici ce passage. Il était 4 heures. À l'intérieur de la place, on n'affectait pas une assurance moins grande. De nouveau, les ouvriers avaient escaladé l'échafaudage et portaient plus profondément la pioche dans le fût entamé. Les membres de la commune et leurs amis allaient et venaient en causant légèrement. Du ministère de la Justice, dont le balcon était dégarni, on avait descendu quelques chaises pour des dames auxquelles de jeunes officiers galants offraient des rafraîchissements. Nul ne paraissait douter du succès final. Néanmoins, pour faire patienter la foule, ordre fut donné aux musiques de jouer alternativement, et l'une d'entre elles exécuta un pas redoublé. Au bout d'une heure, l'entrepreneur et ses hommes revinrent, ramenant dans la voiture à bras le treuil réquisitionné. Mais il fallut une heure encore pour l'installer et remonter les câbles. La foule devenait houleuse, réclamait la chute de la colonne sur l'air des lampions. Des gamins imitaient le bruit de la scie et le chant du coq ou bien jetaient des avertissements auxquels se laissaient toujours prendre les gens assis au bord des trottoirs. « Pardon, disaient les farceurs, c'est pas le clairon, c'est M. Courbet qui se mouche !» Des spectateurs lâchaient pied, persuadés que la journée s'avançant, on renverrait la suite au lendemain. « Qu'on rende l'argent, alors ! Faut-il garder sa place à monsieur ? T'embras pas !» On vendait une brochure de 2 pages encadrée de filets noirs et intitulée « Oraison funèbre à la mémoire des gardes nationaux morts pour la République ». Suivait le projet détaillé d'un monument commémoratif à leur élevé sur la place Vendôme, nettoyé de la colonne. Un autre projet de monument destiné à la remplacer montrait sous la figure verdâtre d'un lutteur en caleçon, tenant d'une main un parapluie rouge et dans l'autre main l'emblème piriforme d'une restauration monarchique, Thiers Ier, roi des capitulaires, debout sur une boule, au sommet d'un feu. Et une parodie des pompiers de Nanterre reprise en chœur, « Dzimlaïla, Dzimlaïla, elle n'est pas par terre, Dzimlaïla, Dzimlaïla, elle est toujours là », fit encore passer un moment. Enfin, vers 5h15, les ouvriers quittèrent l'échafaudage. Proto et ses invités reparurent au balcon du ministère et pour la seconde fois, au signal du clairon, les gardes nationaux déblayèrent une partie de la place. Les câbles, aussitôt après, se tendirent lentement sous l'effort d'une demi-douzaine d'hommes qui viraient le cabestan. Au loin, la foule se taisait, béante. Et il n'y avait plus que l'empereur de bronze qui put, ébloui, voir du haut de la colonne le soleil se coucher par-dessus les maisons de la place. Il le vit effectivement pour la dernière fois lorsque la colonne secouée après une légère oscillation comme pour conserver son équilibre, le perdit tout à coup. S'inclina et, brisé en 3 morceaux, vint s'abattre avec un bruit sourd et en soulevant des nuages de poussière sur sa litière dispersée. La lanterne arrondie en dôme qui supportait la statue s'était détachée du chapiteau et avait elle-même projeté à 2 ou 3 mètres l'image impériale couronnée de lauriers. César avait un bras cassé, la petite Victoire ailée qui surmontait dans sa main gauche un globe ne s'y trouvait plus et la tête séparée du tronc avait roulé un peu plus loin. Un ouvrier s'en approcha et la poussa du pied comme on aligne un point sous une exclamation. Car c'était renversé, couché à son tour, comme les millions de cadavres que sa chute consolait dans leur tombe. C'était alors vraiment que la colonne méritait qu'on la comparât avec Théophile Gautier, un gigantesque point d'exclamation posé au bout de la phrase sonore du Premier Empire. La multitude, cependant, sortant de sa stupeur et cherchant à rompre le cordon des sentinelles, répondait par ses acclamations aux cris de « Vive la République, vive la Commune » poussés sur la place. Déjà le drapeau rouge flottait sur le piédestal intact. Un homme l'escalada vivement et déclama, le bras tendu, sa tunique de garde nationale ouverte sur la poitrine, dans un désordre apprêté. « Je n'ai jamais chargé qu'un être de ma haine soit maudit, ô Napoléon !» C'était l'acteur Adolphe. À saisir l'occasion qui lui avait jusque-là échappé. Mais on ne le laissa pas poursuivre. Il fut sommé de rengainer ses imprécations auxquelles le général Bergeret préférait naturellement les siennes. Il eut d'ailleurs le bon esprit d'être bref. On applaudit moins après lui la barbe fluviale de Miot qui charriait de vieux discours. « Jusqu'ici, notre colère ne s'est exercée que sur des choses matérielles. Mais le jour approche où les représailles seront terribles. » Et atteindront la réaction infâme qui cherche à nous écraser. » Et Ranvier, qui dit exactement la même chose. Pendant qu'il bavardait, la foule bourdonnait autour des vertèbres brisées de la colonne, en flairait les tronçons, en ramassait des fragments, entrailles ou peaux. Des curieux déchiffraient l'inscription gravée sur la lanterne. « Monument élevé à la gloire de la Grande Armée par Napoléon le Grand » Commencé le 25 août 1806, terminé le 15 août 1810. Des bêtas posaient en groupe sur les ruines devant l'objectif d'un photographe et courbaient dans les salons du ministère de la Justice, montrant à ses amis quelques lettres anonymes menaçantes, envisageaient l'avenir avec inquiétude. Mais un fort peloton d'artilleurs à cheval arriva au grand trot et dégagea la place, tandis que des musiques entraînaient, aux accents des Girondins, un millier de personnes vers l'hôtel de ville où Miot, Champy et Ranvier les attendaient pour leur annoncer que la place Vendôme assainie s'appellerait désormais Place Internationale. Après La Colonne, publiée en 1901, Lucien Descaves devait publier un autre roman en 1913, Philémon, vieux de la vieille, un livre plongeant encore ses racines dans l'histoire de la Commune. Une nouvelle concrétisation de sa tendresse conçue de façon très originale. Une lanterne magique, a-t-on pu dire, tant l'art y est simple et merveilleux. Une entrée étroite, mais si l'on regarde à l'intérieur, se déploie un petit univers presque fascinant. Avec Philémon, on retrouve le monde de la Commune. Non de la Commune Révolution, mais comme aurait pu le dire Camus, de la Commune Révolte, c'est-à-dire de la Commune du petit peuple qui croyait en la liberté. Le cadre, c'est le vieux quartier populaire de la Santé, demeuré le quartier des modestes travailleurs, d'artistes et d'intellectuels pauvres. Le héros, Philémon, s'appelait en fait Henri Mattet, ancien ouvrier bijoutier, exécuteur testamentaire de Félix Piat. Il avait commandé, sous la Commune, le fort de Vanves et avait par la suite été condamné à 10 ans d'exil. Philémon avait longtemps intrigué son voisin, Lucien Descaves, jusqu'au moment où il apprit son véritable nom. Homme frugal, marié à Foncine, ce ne fut pas commode d'entrer dans l'intimité du couple. Mais dès que les barrières furent franchies, Lucien Descaves partagea ses joies et ses peines. Par ce couple, il connut l'extrême arrière-garde, si l'on peut dire, de la Commune. Vaincu, il revécut l'aventure grâce au vieil homme et par Foncine. Ils étaient, à son témoignage, l'honnêteté même et l'honneur même. Tel est ce récit de belle tradition française. Si le personnel de l'insurrection, ou de ce réveil du peuple, appelons ça comme l'on veut, compta un grand nombre de déclassés, d'aigris, d'orpris de justice, d'ambitieux méchants, de furies et même de pétroleuses, tout en déchets sociaux. Il y eut avec lui, à côté de lui, en marge, de très braves gens, convaincus, des guerriers, eux aussi de tradition gauloise. Tout un petit monde, vraiment sympathique, né et élevé à Paris. Un petit monde laborieux, intelligent, sain, entraîné par de justes colères, et qui se laissa déborder par quelques partisans. Tel fut dans la Commune, cette petite humanité, bien à part, jalouse de ses libertés et pleine de dignité, républicain, anticléricaux, naturellement par méfiance, mais éternel candidat à une aristocratie de l'âme. C'est cette petite humanité-là que Lucien Descaves a voulu montrer, et montrer dans le tragique de sa malheureuse épopée. Dans le roman, Mattet est devenu Colomès, Philémon, par conséquent, qui met fin à ses jours quand il est au bout de ses ressources. C'est bien cette petite humanité-là que Lucien Descaves va en quelque sorte réhabiliter dans La Colonne et dans Philémon, vieux de la vieille, dont la dédicace est « À tes vieux de la vieille, République des travailleurs, ces bulletins de ta grande armée. » En 1914, Lucien Descaves devait apporter un nouveau témoignage, cette fois avec une pièce de théâtre à la Commune. Cette pièce fut représentée sur la scène du théâtre de l'Ambigu. Ce sont des scènes sur des épisodes de la Commune rendues avec un attendrissement bourru et tendre. La saignée, écrite avec Fernand Nozière, connut un vif succès qui a interrompu la guerre de 1914. Et pour une fois, dans ses propos, Maurice Boissard, c'est-à-dire Paul Léoto, consacra à l'œuvre un article retentissant. Je pense que pour tous ceux qui s'intéressent à cette période de 1871, Lucien Descaves demeurera comme l'un des témoins les plus authentiques, les plus sincères en tous les cas, de ce que le mouvement de la Commune comporta de générosité innée dans la conscience du petit peuple de Paris.